Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui, une semaine sur deux, vous parle de cinéma fantastique. Je suis toujours Corentin et Roman est là, bien évidemment. Comment ça va, Roman? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Alors, épisode particulier, j'ai l'impression de dire ça très souvent. Mais parce que c'est la première fois que on va pas traiter d'un sujet, mais on va traiter de quelqu'un. Alors, on va traiter de quelqu'un qui nous tient beaucoup à cœur, à tous les deux. C'est quelqu'un, je vais dire son doux prénom. John Carpenter, voilà. Donc grand cinéaste qui a fait une myriade de chefs-d'œuvre. Alors, pour expliquer rapidement la structure de l'épisode, on va déjà juste vous présenter rapidement qui est John Carpenter. On va faire court parce que je pense que vous savez déjà, si vous nous écoutez, qui est Big John. Après, on parlera de ses films. Alors, sachant que dans les 6 films qu'on s'est... Enfin, dans les 3 films chacun qu'on a pris, on n'a pas pris ses plus connus. On a pris... Moi, j'ai pris mon préféré de lui. Vraiment, enfin, celui que j'aime le plus. Et on a pris des moins connus. Toi, t'as pris dès que t'avais pas vu. Oui, que dès que j'avais pas vu. Et donc, après, on parlera sûrement de ses chefs-d'œuvre. On va parler rapidement. Genre, juste comme ça, Carpenter, si vous ne savez pas, c'est Halloween, c'est The Thing, c'est Christine, c'est Prince des Ténèbres, c'est Escape from New York. C'est peut-être un des plus grands réalisateurs du cinéma fantastique. Mon réal préféré, en l'occurrence. Ça se tient. C'est un réalisateur qui a eu un statut qui... Enfin, c'est un statut qui est apparu au milieu des années 2000 avec la série éponyme, ce qu'on va appeler les maîtres de l'horreur. Alors, les maîtres de l'horreur, pour résumer très rapidement, c'est des gens qui ont surtout eu une carrière dans l'horreur. Jusque-là, c'est cohérent. Avec généralement un nombre assez conséquent de films, c'est-à-dire des maîtres de l'horreur anciens, entre guillemets. On peut penser à Stuart Gordon, on peut penser à Dario Argento, on peut penser éventuellement à John Landis. Toby Hooper, Wes Craven. Toby Hooper, voilà, bref. Il y en a une myriade, et même il y en a des plus modernes, on peut penser à James Wan. Moi je pense à Rob Zombie aussi, toujours que j'aime beaucoup. Il y a Chris Sun qui est plus récent, il y a Greg McLean, il y a ce qu'on appelle... Mike Flanagan, il y a ce qu'on appelle le Splat Pack, qui est cette mouvance de cinéastes qui ont fait des films extrêmement gore des années 2000 et 2010 à peu près. Il y avait aussi Boozman dedans, le gars qui a fait Saw. On peut parler de Ty West aussi. Il y en a beaucoup. Et donc, pour ce cher Carpenter, alors Roman, tu nous as préparé une petite intro. Alors rapidement, qui est John Carpenter? Qui est-il? D'où vient-il? Donc John Carpenter, c'est un réal qui est né le 16 janvier 1948. Donc il fête ses 75 ans. Donc il les a fêtés le lundi, nous on enregistre jeudi là, il les a fêtés il y a 3 jours, c'est 75 ans. En plus, l'épisode qui lui est dédié la semaine de son anniversaire, il n'y a pas à dire, on est quand même super bien organisé. Et ça c'est beau. Donc Carpenter, c'est quand même une grosse pelletée de films, hein. C'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière de réalisateur de long métrage en 74, avant ça il avait fait quelques courts comme Bronco Billy ou Captain Voyeur. Ou d'autres qui sont aujourd'hui introuvables. Jusque-là, c'est encore mineur. Jusque-là, c'est pas pour ça qu'on l'a retenu. Voilà, il fait son premier film en 74, donc Dark Star, l'étoile noire, qui est financé par la USC, University of Southern California. Ouais, c'est un film d'étudiants, Dark Star. C'est ça. Et après, il enchaîne, il fait Asso et Halloween. Ses deux premiers chefs-d'œuvre, j'adore Asso. J'aime beaucoup Asso aussi. Après, il enchaîne sur une carrière télé, parce qu'il fait à la suite Meurtre au 43e étage et Elvis. Voilà, et après, après ça, on entre dans les années 80, et c'est vraiment le golden age de Carpenter, puisqu'il enchaîne quand même Fog, Escape from New York, The Thing, Christine, bon, Starman, qui a un peu moins fait date, mais Jack Burton, Prince des Ténèbres, The Live. Voilà, et après, on passe aux années 90, où il y a Homme Invisible, qui marque moins. Bref, les années 80, à quelques exceptions près, c'est un intouchable, et les années 90, c'est le début de la chute, même si on est encore loin d'une chute à la Argento ou à la Toby Hooper, c'est-à-dire que il a pas fait Giallo... Il n'a pas fait Jean, ça reste encore à peu près décent en général. Il arrive à garder à faire des films qui se tiennent à peu près. Années 90, ouais, il y a Les Aventures d'un homme invisible que j'ai pas encore vu. Qui est un film compliqué parce qu'il a eu beaucoup de problèmes de production, c'est le seul qui ne l'a pas signé, entre guillemets. Ok. Il y a eu Body Bags ensuite, Coréal avec Toby Hooper, qui je trouve excellent, perso. Qui est pas mal, qui est loin d'être son meilleur, mais qui se tient, on va dire, qui est efficace. Ah, donc film à sketch où Carpenter a réalisé les deux premiers segments et Hooper le troisième. Et où Carpenter fait une apparition en tant qu'acteur. Oui, ah, c'est même pas une apparition, c'est le fil rouge. Il joue le gardien de l'équivalent du gardien de la crypte. Il est génial. Mais il est pas mal. Il est complètement faux track. L'Anne de la Folie en 94. On va en parler. On va en parler. Voilà. Le Village des Damnés en 95. Donc remake de la saga des Damnés des années... C'est pas bon. Hein, le 40-50. C'est pas très bien. Non. Bah, c'est la première grosse sortie de route, on va dire. C'est ça. Et pourtant, un casting quand même plutôt chouette, puisqu'on a quand même Christopher Superman Reeves et Mark Hamill. Ouais, mais le village des damnés, comment dire, tu sens que qui commence, enfin c'est peut-être horrible de dire ça, mais qui commence un peu à en avoir rien à foutre. C'est pas le seul, il y en a d'autres après, mais celui-là c'est le premier où tu te dis ouais c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Bah, après ça, il fait Escape from LA, on en parlera On va en aussi. parler. Voilà. Puis Vampire, Que moi j'aime bien, qui est sympa, Vampire. je trouve ça se tient vraiment pas mal et c'est peut-être le plus western des films qu'il a fait. Oui. Mais donc, tous ses films sont des westerns déguisés, mais celui-ci est avec celui qu'il a fait après, peut-être le film où tu te dis le plus que il manque plus qu'un chapeau et des bottes de cuir et c'est terminé quoi. Bah, justement, ce qu'il a fait après, donc Ghost of Mars. Dont on va parler aussi. Voilà. Ensuite, c'est deux Masters of Horror. Dont on va parler, qui sont des. Donc Masters of Horror, j'en parlerai lorsqu'on sera centré sur les épisodes. C'était une série dans les années 2000 qui a. Il me semble, alors j'ai pas l'information, mais il me semble que c'est elle qui a mis en place ce concept de maître de l'horreur, enfin de vraiment institutionnaliser le nom maître de l'horreur. Maintenant, est-ce que les épisodes sont bons? Est-ce que la série est bonne? On répondra à la question plus tard, plus tard, plus tard. Voilà, et donc on a son dernier long métrage en date, The Ward. L'hôpital de la terreur, C'est qui est ça. pas un Carpenter. Pour moi, c'est pas un Carpenter. Non. Je trouve ça, c'est pas son pire. C'est vraiment pas son pire. Ce son pire, on va en parler. Enfin, le pire truc qu'il ait fait. Mais The Ward, enfin, c'est pas rendre hommage que de le regarder. On va dire ça comme ça. Voilà. Après ça, il a réalisé quelques clips, notamment des clips pour illustrer les BO de Christine et de Escape from New Et York. son clip de Christine est excellent pour la Je l'ai BO de pas encore Christine. Il vu. est excellent et après depuis, bah, il fait de la musique. On vous invite Voilà. d'ailleurs. On va régulièrement parler de sa musique, mais à titre personnel, est-ce que tu as écouté ce qu'il a fait en dehors de ses BO? Les Lost Themes ou des trucs comme ça? J'ai écouté le premier album de Lost Themes. Ouais, ben, je pense que tu peux te joindre à moi, mais je vous invite vraiment à Ouais. écouter les BO qu'il compose, parce qu'il bosse souvent avec son fils, Cody Cody Carpenter. Carpenter, ouais. Et Bah, alors. rien que l'année dernière, ils ont bossé ensemble sur Halloween Ends et sur Firestarter. Firestarter, Et voilà. alors, autant la BO de Firestarter est vraiment pas terrible, autant celle de Halloween Ends est vraiment pas mal. C'est pas la Oui. meilleure de la trilogie, j'aime beaucoup la BO du premier, moi. Je trouve. Je t'avoue que je préfère celle de Kills, notamment Payback. Ouais, Kills, qui est pas mal. Mais du coup, les Lost Themes, donc les thèmes qu'il n'a pas composés pour des films, sont vraiment excellents. On vous invite à les écouter. C'est du très très bon. Et il fait des concerts. Et je vous invite aussi à voir la vidéo de lui en concert. C'est souvent très drôle. Parce que il s'amuse beaucoup. Notamment, je vous invite à voir, vous tapez le thème d'Halloween en live. Et il fait des petites mises en scène autour de Halloween. Et il fait, est-ce que vous reconnaissez ces quelques notes? Il commence à jouer le thème. C'est très très drôle à voir. C'est assez amusant. Enfin, il joue de son corps comme. Bah comme ce qu'on voit dans Body Bags, mais ce qu'on voit assez peu, parce que c'est pas quelqu'un. Enfin, quand vous le voyez en interview, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de charisme, on va dire. Oui, Voilà. il est C'est assez pas Wes penaud, Craven. voilà. Il Wes Craven qui a sait parler vraiment, c'est pas Wes Craven. et surtout il est pas, c'est pas un mec qui a super confiance en lui. Genre il y a l'interview sur Prince des Ténèbres par exemple où il. Après Prince des Ténèbres, c'était une période où déjà il commençait à tomber, parce qu'il y avait l'interview de The Thing, qui était une interview à. Je crois il y avait lui, John Landis et un autre, un troisième. Où ils étaient tous, ils sortaient à peu près un film dans une même période, un mouchoir de poche. Et lui, il était super chaud sur The Thing, il était en mode, hey, The Thing, ça va cartonner, on va vous en parler. Non. Donc, si on démarre, pour poser les bases, on va attaquer donc avec, enfin, on révèle le film peut-être. On révèle le film dont on parle, donc. Jack Burton dans Les Griffes du Voilà, Mandarin. les Ça, c'est aventures. les aventures de Jack Burton, donc ça, c'est le mien. Ensuite, on parlera de Escape from LA. D'abord, Land de la folie. D'abord Land de la Folie, pardon à nouveau. Donc Land de la Folie, qui est cette conclusion de cette trilogie de l'Apocalypse qu'on détaillera sûrement au moment venu. Ensuite, on parlera de Escape from LA, Los Angeles 2013 en français. On fera sûrement un arrêt aussi par New York 97 pour en parler. Obligé, obligé. Et ensuite, quels sont les films que tu as pris? Et ben j'ai pris du coup Ghost of Mars. Donc son dernier film avant The Ward, enfin film long métrage, C'est j'entends. ça. Puis ensuite, c'est deux Masters of Horror, donc La fin absolue du monde, ou Cigarette Cigarette Burns en Burns VO. en VO, et Piégé à l'intérieur, ou Pro-Life en VO. Pour la VO, ouais. Et donc, on va vous parler de tout ça. Alors, pour poser le contexte rapidement, Carpenter, au début des années 80, fait The Thing. Alors, The Thing, 82, pour être précis. 82 exactement. The Thing, je me suis posé la question de le prendre, mais on s'est dit que dans le podcast, on essaie de parler des trucs un peu moins connus. Si on fait un épisode 2, on le prendra sûrement. Pourquoi? Parce que tous les réalisateurs ne peuvent pas se vanter d'avoir fait, je pense, le meilleur film d'horreur de tous les temps. Genre, The Thing, c'est peut-être, je trouve, un des films d'horreur les plus incroyables qui soit. Et c'est un film d'horreur, rapidement, Pour en parler, enfin, je te laisserai en parler aussi juste après. C'est un film d'horreur qui suit le concept d'horreur Lovecraftienne. On va aussi beaucoup parler de Lovecraft dans Oui, l'épisode. c'est pour ça qu'il a apporté des indices. D'une horreur indicible qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut même pas voir. Ce que là, il prend le parti justement de montrer extrêmement frontalement cette horreur, tout en la rendant absolument impossible à décrire. Tiens, je vous mets au défi, essayez de décrire la créature de The Thing, ce n'est pas possible. Tu peux que donner des vagues indications. Genre c'est un amas de chair, tu sais pas trop, mais c'est impossible à décrire. Bref, The Thing au début des années 80, c'est colossal. Toi, The Thing, rapidement. Moi, The Thing, c'est un film que j'ai découvert assez jeune, j'ai découvert à 12 ans à peu près. Dans à peu près la même période que Halloween, justement, c'est là où je me suis vraiment mis à Carpenter, c'est les deux premiers que j'ai vus de lui. Et après, le suivant, ça a dû être Christine, je pense. Mais donc, ouais, The Thing, je suis pas aussi dithyrambique que Corentin, c'est un film que j'aime beaucoup, vraiment. Mais où parfois il y a le rythme qui peut me laisser un peu sur le côté. Toi, t'as besoin de rythme, toi, t'as besoin de coke. Pas forcément besoin de beaucoup de rythme, mais après il faudrait que je le revoie. Ça fait un moment que j'ai pas revu The Thing. Mais voilà. Enfin bref, pour poser le contexte, Carpenter, c'est quelqu'un qui bosse en dehors des studios. Halloween, si je dis pas de bêtises, c'est indépendant. Oui, c'est important. En fait, c'est simple. Là, j'ai un peu son historique de films avec les gros studios. Donc est-ce qu'on peut en parler vite fait? Bah, The Thing, il me semble que c'est son premier film en studio. Alors, si on compte pas Meurtre au 33e étage, qui est une prod de Warner TV. On compte pas vraiment. On On compte compte vraiment pas. parce que The Thing, c'est la première fois qu'il bosse avec un studio et qu'il fait un aussi gros film. Voilà. Et globalement, toutes les coprods entre Carpenter et les studios se sont Mal conclues par passé. soit des échecs critiques, soit publics. À une exception près, Christine, c'est le seul. C'est le seul, mais après c'est adapté de King, c'est encore autre chose. Voilà. Et donc The Thing, pour poser le contexte avant de parler de Jack Burton, c'est que Carpenter était extrêmement confiant avec ce film. On va pas réécrire l'histoire. Est-ce que l'histoire aurait été différente si le film avait été un succès? Probablement. Toujours est-il que lors de la sortie de The Thing, le film s'est complètement cassé la gueule. En termes de recettes, je pense que tu as les chiffres, c'est une catastrophe. En termes de recettes, The Thing, je dis ça tout de suite. The Thing, c'est 50 millions de budget, c'est pardon, c'est 15 millions de budget et c'est 19,6 millions sur le territoire américain en box-office. Voilà, donc c'est. C'est ça rentre dans ses frais. Mais il y a les frais marketing, Ouais, bref, pour c'est un marketing. échec. Par contre, c'est les frais. Ça, c'est le box-office uniquement américain. Ça compte pas le box-office étranger. En France, il a fait plus de 500 000 entrées. Ce qui est bien, mais toujours est-il que le film s'est fait éreinter aussi par la critique. Donc, The Thing, ça n'a pas marché. Par la suite, il va toujours avoir ça en travers de la gorge, à se demander s'il l'aura avalé un jour. Et il va tenter Jack Burton, qui est à nouveau un film de studio. Ouais, c'est la Fox, Jack Burton. Alors, entre-temps, The Thing, c'était Universal. Voilà. et entre-temps, il en aura fait d'autres. Entre-temps, il aura fait Christine avec la Columbia, Starman avec Columbia et ILM. Oui, qui sont ses deux plus gros succès, potentiellement. Bah, son plus gros en termes de score, c'est Christine. Du moins, c'est celui qui est le plus rentable par rapport au budget. Après, il aura fait d'autres trucs mitigés comme L'Homme de la Folie, qui, pareil, a eu un box-office assez mitigé. Mais L'Homme de la Folie, pour faire court, c'est 8 millions de budget et 8,92 millions de box-office. On en reparlera lorsqu'on y sera. Après The Thing, il enchaîne Christine et Starman, qui sont des succès, des plus gros succès par rapport à The Thing. Oui. Et donc on arrive en 86, où tu l'as dit, il change de studio, et il va donc vers la Fox pour faire Jack Burton dans les griffes du mandarin. Alors, pour s'y attaquer, donc Jack Burton dans les griffes du mandarin, c'est un film qui dure 1h39. Carpenter en général fait des formats assez courts, toujours moins de 2 heures, ce qui est toujours très plaisant. Pour le synopsis, alors à nouveau, merci Internet, j'ai totalement repompé, je suis très mauvais en synopsis. Alors, Jack Burton accompagne son ami Wang Chi à l'aéroport de San Francisco afin d'accueillir Miao Yin, la fiancée de ce dernier. Mais Miao Yin est convoité par Lo Pan, un puissant sorcier désincarné qui pense pouvoir récupérer son enveloppe charnelle en épousant une chinoise aux yeux verts. Jack, simple camionneur, se retrouve au cœur du quartier chinois, au beau milieu d'une lutte surnaturelle entre les puissances du bien et du mal oriental. Donc, au scénario, on a David Zen Weinstein, alors je ne sais pas s'il a un lien avec les deux, et Gary Goldman. Alors Gary Goldman, c'est quelqu'un qui a fait du très bon, Total Recall, le Verhoeven, le bon, et du très mauvais, genre Next, avec Nicolas Cage. Espèce de connerie des années 2000 qui était très très étrange. À la photo, on a Dean Cundey. Alors Dean Cundey, c'est alors Carpenter, pour rester dans une idée de film indépendant, a souvent voulu garder une équipe très serrée. Une équipe très, très quasiment familiale. Dean Cundey en fait partie parce qu'il a fait les photos, entre autres, de Halloween, de The Fog, de Escape from New York, pour rester chez Carpenter, et à côté, il a fait la trilogie Retour vers le futur. À la musique, on a Carpenter, qui a composé le BO de quasiment tous ses films, oui, je ne dis pas de bêtises. Il n'a pas fait l'aventure d'un homme invisible. Je sais pas. Et après, il y a eu l'affaire The Thing, mais ça s'est mal passé avec Morricone. C'est compliqué. Voilà, il a recomposé lui-même beaucoup de trucs, donc voilà, il n'est pas crédité, mais il est derrière. Voilà. Et il a également collaboré avec Alan Howarth. Alors Alan Howarth, comme tu l'as dit, tu as parlé de The Thing, il avait collaboré aussi sur The Thing. Il a également participé à Zayliv, à la première trilogie Halloween, donc 1, 2, 3, Prince des Ténèbres. Et alors au casting, donc on a peut-être l'acteur phare de Carpenter, Kurt Russell, légendaire Kurt Russell. Donc, Immense Kurt Russell. Une icône qui a joué dans Escape from New York et Escape from LA, dont on va reparler après, Les 8 salopards ou The Thing, dont on parlait. Oui. On a également rapidement au casting James Hong, qu'on a vu dans Blade Runner, dans Chinatown ou dans Hero de Zhang Yimou, que j'aime beaucoup, ou dans plus récemment Everything Everywhere All at Once. Jack Burton, c'est un film intéressant parce qu'il est sorti en 86, c'est un échec cuisant en termes de recettes pures pour Carpenter, encore un. Sauf que s'il était sorti 10 ans plus tard, 96-97, l'époque où le cinéma d'action hollywoodien s'est asiatisé, entre quelque sorte. Avec Matrix, en l'occurrence. Matrix, c'est 99, mais avant, oui, t'avais eu John Woo, t'avais eu Choyard qui arrivait à Hollywood. Oui. T'aurais peut-être mieux marché, le film a été un bide colossal. Ah, mais là, c'est des réalisateurs asiatiques qui... Oui, mais t'avais cette ambiance asiatique, justement, cette espèce de passion, d'amour pour l'Asie qui commençait à se profiler. Oui. Donc pour toi, Roman, Jack Burton, c'est comment? Comment ça se passe? Pour moi, Jack Burton, c'est génial. Jack Burton, c'est simple, je l'ai découvert... en 2016, parce que le PIF le rediffusait. Et donc j'ai découvert Jack Burton en salle et c'était un plaisir colossal. Jack Burton, c'est fou. C'est un de ses meilleurs, je trouve, Jack Burton. Pour moi, il est dans mon top 5. Il va dans tous les sens. C'est totalement décomplexé. Ça n'hésite pas à ridiculiser son personnage principal, qui est du coup pas le personnage principal, parce que le personnage principal, c'est... C'est de l'équivalent de son 2001, en fait. C'est ça. Et surtout, bah, juste, tout marche. C'est-à-dire que l'action, elle est géniale, je trouve. Il y a ce parti pris de... de vraiment rentrer dans le fantastique et d'opposer donc le personnage de Burton, qui lui est un désabusé total à cette magie que lui connaît pas du tout. Et je trouve ça génial. Et en plus, la mise en scène de Carpenter marche de l'air de Dieu. Et il y a aussi un bestiaire dans ce film qui est incroyable, je trouve ça. C'est pas peu dire. À cette espèce de boule. Ouais, l'espèce de boule qui vole, là, qui m'a fait penser au Cacodémon de Doom. Et moi, il y a l'espèce de créature, l'espèce de grosse bébête, là, la créature simiesque, là, qui me fait beaucoup penser à la créature de la boîte dans Creepshow. Il y a de ça aussi, ouais. Enfin, Jack Burton, ce que je trouve extrêmement amusant, c'est que moi, j'y vois clairement un hommage à Choyark. Je pense notamment à Zoo et les guerriers de la montagne magique, où t'as quasiment des scènes ou de l'imagerie qui est totalement reprise. Maintenant, j'ai une réserve par rapport à toi, c'est que pour moi, Carpenter, c'est un excellent réalisateur d'ambiance. C'est quelqu'un qui va te faire créer une ambiance avec très peu, qui va construire des cadres de façon extrêmement précise pour attirer ton œil exactement là où il veut et te poser une ambiance. Je trouve que c'est moins un réalisateur d'action. J'y reviendrai sur Los Angeles 2013. Mais par exemple, ici, je trouve que l'action est bien. Je ne dis pas qu'il ne filme mal l'action, je dis juste que c'est pas forcément ce qui va le plus lui importer. Et autant, ici, je trouve que ça fonctionne. C'est peut-être celui qui est le mieux mis en scène sur ce point d'action, parce que t'as les combats qui sont assez clairs, assez bien mis en scène. Alors, si vous aimez les Wuxiapian ou ce genre de films, notamment asiatiques, y a ça à balle, hein. Il y a du combat câblé dans tous les sens, ça vole, ça... Ouais. Est-ce que t'as peut-être le nom du chorégraphe du film ? Non, pas du tout. Mais pour le coup, ce qui est bien à voir, tu as dit, c'est cette opposition entre le personnage de Jack Burton qui... Enfin, le film sort en 86. Donc 86, il me semble que c'est la même année ou l'année suivante, t'as L'Arme Fatale qui sort. Et le film va déjà déconstruire le concept de buddy movie, justement, en te posant le personnage de Jack Burton qui ne va rien faire. Regardez, dans tout le film, Jack Burton ne fait absolument rien. Un peu à la manière d'un Indiana Jones, c'est-à-dire que dans Indiana Jones, si Indy n'était pas là, il se serait passé la même chose. Voilà, bah ça dépend, parce que Indiana Jones est quand même un peu plus actif, oui, là où vraiment Jack Burton... Enfin, on parle quand même du héros où dans le climax final, il est assommé. C'est ça. Là où, enfin, Jack Burton... Soit il est assommé, soit il a un couteau planté dans le bide d'un mec et il peut pas s'en détacher. Voilà. Et je viens de vérifier, L'Arme Fatale, c'est 87, donc un an après Jack Burton. Voilà. Et il va déjà déconstruire tout ce concept de buddy movie en faisant en sorte que ce soit le personnage secondaire qui fasse le boulot, qui fasse même tout le boulot. Après, ce qui est vraiment dommage, c'est que le film va, enfin, est une espèce de déclaration d'amour, enfin d'amour. En tout cas, est un film qui va utiliser le folklore chinois de façon pertinente et de façon extrêmement efficace et bien vue. Mais bon, le film s'est gaufré, ce qui est dommage, parce que honnêtement, je pense que le film sortait, ouais, 10 ans plus tard, ça aurait fonctionné. Ça aurait vraiment fonctionné. Après, on va pas réécrire l'histoire. À savoir aussi sur Jack Burton, que je me suis dit en voyant le film, c'est peut-être le film le plus drôle de Carpenter. Ça n'a jamais été un réalisateur très drôle. Non, c'est vrai. Et l'humour fonctionne super bien. Moi, une scène qui m'a beaucoup fait rire en le revoyant, c'est lorsqu'il ouvre la porte. Enfin, il dit, ouais, peut-être qu'ils nous attendent. Il ouvre la porte, il y a tous les méchants qui sont derrière. Il ferme la porte, il fait, non, non, il est possible qu'ils nous attendent. C'est con, mais ça fonctionne bien. Il y a un tempo comique qui est super Il y a efficace. toute la scène toute la scène où il va dans l'espèce de maison close là. Oui, ça c'est. Au début, quand je la voyais, enfin quand j'ai revu le film, je me disais, ah, ça va être cringe. En fait, ça passe. Et En il y a fait, le ça truc de comment vous réglez chèque ou espèce, et espèce, c'est pas déductible, je suppose. Non, mais ça. J'ai un t-shirt avec la gueule de Kurt Russell dans cette scène-là, et cette réplique, Cash, I guess, I made it stock deductible, is it? Ouais, mais Magnifique. genre la tête de Kurt Russell dans cette scène, déjà, Et c'est oui, incroyable. Et puis. big up à ma copine qui me l'a offert. Et puis, pour le coup, ce qui est amusant avec Jack Burton, c'est que. C'est un film qui va complètement ridiculiser son héros. On parle de Kurt Russell, qui était quand même une énorme star déjà à cette époque-là. Donc quand les gens, j'imagine que quand les gens allaient voir Kurt Russell, en plus il est en gros sur l'affiche, ils se disaient, ah, il va Oui. être trop bien. Dans le film, c'est totalement un loser. Il veut juste récupérer son camion. Il le dit, hein. Il veut juste son camion, le reste s'en moque. Et limite la gadji. Ouais, même pas, parce qu'à la fin, tu vois qu'il n'en a finalement pas grand-chose à faire. Lui, il veut juste son camion. Et c'est tout. Et honnêtement, c'est un film que je trouve extrêmement visionnaire. Même sur plein de codes, même sur plein de codes, c'est-à-dire que sur l'usage de l'action, l'espèce d'action qui est filmée plein cadre pour vraiment t'illustrer les mouvements des personnages, ça c'est visionnaire, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était plutôt des gunfights, et des gunfights, genre pas surcutés, mais beaucoup plus cutés en tout cas. Et du coup, on se retrouve avec un film qui est en avance de quasiment 10 ans, qui s'est croûté, mais moi ça me fait toujours mal au cœur d'imaginer ça, genre il enchaîne The Thing et Jack Burton qui se gaufrent et je me dis, mais ah non! Est-ce que t'as les chiffres de Jack Burton à tout hasard? Le chiffre de Jack Burton, ouais, il a coûté 25 millions. Donc, c'est quand même un gros budget. Enfin, l'échelle de Carpenter, c'est un gros budget. Et aux US, il a rapporté 11,1 millions. Aïe! Aïe, et en France, c'est un de ses plus gros succès en salle en France. Il a fait 766 000 entrées. Après, on a une espèce de fascination pour l'Asie, c'est pas nouveau, mais c'est. Ouais, après, c'est pas le Carpenter qui a fait plus d'entrées, c'est-à-dire qu'il a un film qui a dépassé le million en France, seulement Carpenter. C'est Halloween? Non, c'est New York 97, qui était à 1 200 000, un truc comme ça. Mais voilà, et après Jack Burton, quelque chose qui est génial, c'est que Carpenter combine souvent les genres, souvent en mélangeant du western. Et ici, il va combiner le wuxia-pian, le buddy movie, la comédie et le film, pas d'enquête, mais un espèce de film policier. Et tout est bien fait. Tout est bien. C'est même dans l'écriture des personnages, enfin, j'ai vu une interview où il disait, l'écriture, c'est pas quelque chose qui l'intéresse, c'est quelque chose où il prend généralement des personnages assez clichés. Et ici, ça fonctionne énormément. Kurt Russell, en une scène d'intro, ça y est, ce n'est plus Kurt Russell, c'est Jack Burton. Après, le mélange Carpenter-Kurt Russell a tendance à plutôt bien fonctionner en général, Oui. c'est une valeur sûre. Mais voilà, moi, Jack Burton, c'est vraiment un film que j'ai pris énormément de plaisir à revoir. En plus, c'est un film qui est dispo. Les Carpenters sont généralement tous dispo en France. Oui, Donc. ils ont quasiment à quelques exceptions près, mais je crois qu'ils sont tous sortis en France. Après, il y en a qui sont plus ou moins rares, genre typiquement Elvis. Oui, les téléphones. Elvis, il est que en DVD, il n'est pas en Blu-ray. Elvis est que en DVD, mais pareil, il y en a beaucoup qui sont pas sortis en Blu-ray. Hein. Elvis, Barbecue Ménage et Body Bags sont que sortis en DVD. Après, il y en a qui sont sortis en Blu-ray, mais qui sont très très rares, genre Vampire. Ah ouais? Vampire, le Blu-ray français est très rare. Ghost of Mars, on en reparlera, mais le Blu-ray français est très rare aussi. Je savais pas du tout Ghost of Mars, bah, on va dire où sont dispo les films, mais ça. Ouais, bah, John Burton, où est-ce qu'on peut le trouver? il a été édité en Blu-ray et en Steelbook, mais le Steelbook n'est plus en vente malheureusement. Par L'atelier d'image, l'atelier ça. d'image, qui font de très belles éditions, hein, Oui. vraiment un gros boulot. Et Mmh. il est dispo sur une plateforme ou pas? J'ai pas cherché parce que généralement je privilégie le format physique, Il mais. me semble qu'il est dispo. Alors, il me semble qu'il est dispo sur Paramount Plus. C'est lui ou Los Angeles 2013, c'est l'un des deux que j'ai remarqué. Mais après, je viens de penser aussi à une chose sur Jack Ah, c'est pas. Burton. C'est pas. J'ai l'impression que c'est la Fox. Ok, donc du coup, c'est sûrement Los Angeles Ouais, 2013 ouais. plutôt. Mais autre chose auquel je pensais rapidement sur Jack Burton, Vraiment, voyez à quel Ah point. bah justement, c'est la Fox, Jack Burton est dispo sur Disney+. Disney+. Voyez à quel point J. Carpenter construit ses personnages déjà dans ce film uniquement avec leurs actions. Sans. C'est-à-dire que c'est pas des personnages, ils vont pas forcément beaucoup parler. C'est pas quelqu'un qui fait Carpenter, sauf dans un des films ici, mais c'est pas quelqu'un qui va beaucoup faire beaucoup de scènes de dialogue. C'est souvent des personnages qui vont être décrits par des actions, des espèces de plans simples, des cadres très, très simples, très efficaces. Et ici, enfin, ça le montre encore. Déjà, il faisait ça déjà dans New York 97, qui va te. Oh, je sais pas, Snake Plissken, dans les 5 plans, tu vois qui c'est? Oui, Et là, non, Jack. il est génial, enfin, l'iconisation du personnage est incroyable. Incroyable. Et là, Jack Burton, un plan dans un camion, un dialogue rapide, même pas un dialogue au téléphone. Tu vois tout de suite quel genre de personne c'est C'est même après. pas un dialogue au téléphone, c'est il anime une sorte de radio Oui, ça, même pas, c'est bien vu. à travers le Pork Chop Express, le code de Port Express en français. Voilà. Donc, non, c'est vraiment Jack Burton, c'est un film assez dingue, qui est souvent oublié dans sa filmographie, parce que surtout, ça va, j'ai dit, parce que ça va combiner des genres un peu, des genres, genre policiers, etc. Mais les 20-30 dernières minutes, c'est globalement un Wish Happy Ending, hein, c'est genre, il y a du combat à l'épée, c'est câblé, ça saute dans tous les sens. Ce n'est que ça, et c'est bien fait. Très bien fait, surtout, ouais. Parce que peu de réalisateurs américains ont réussi à reprendre ce style de combat asiatique pour en faire quelque chose d'à peu près pertinent. Évidemment, il y a Matrix. Voilà, évidemment, il est sur Wachowski. Mais il y a tous les sous-Matrix qu'on a tendance à oublier, je pense à Equilibrium ou ce genre de truc, où c'est compliqué quand même. Et là, en 86, 10 ans avant, 10 ans avant, c'est hallucinant, il fait ce film où tout est déjà là. Vraiment, je pense que ça pourrait être une devise chez Carpenter, c'est 10 ans trop tôt. Tu vois, genre, The Thing, début 90, je vais pas parier beaucoup, mais je pense que ça aurait pu, ça aurait, en tout cas, mieux marcher. Oui. On va dire. Surtout que The Thing, il y a le hasard du calendrier qui a fait qu'il est sorti à la même année que E.T. Le même jour. Non, à 2 semaines d'intervalle, je crois. Ouais. Après, c'est peut-être simple de résumer à les gens voulaient voir un truc joyeux plutôt qu'un truc horrible comme The Thing. C'est peut-être un peu trop simple, mais je pense que ça a dû jouer aussi. C'est. Il y a eu ça. Après, ça aurait pu faire l'effet Scream. C'est-à-dire que Scream, quand il sort fin décembre, il sort à la période de Noël, il fait un score de merde aux États-Unis à sa première semaine. Mais par contre, c'est un des rares films qui. C'est avec le bouche à C'est oreille, tout ça, ça. où la fréquentation va augmenter de semaine en semaine. Ça aurait pu le faire pour The Thing, si la vague E.T. était passée, parce que la vague E.T. n'est jamais passée. Mais voilà, après, voilà, on va pas réécrire l'histoire, l'histoire aurait peut-être été différente. Mais donc voilà, Jack Burton, ça s'est gaufré, le film est réhabilité, le film a été bien réhabilité Oui, en ce moment. comme The Oui, bah, The Thing qui est devenu culte parmi les classiques. Là, Jack Burton, il est un peu oublié quand même, j'ai tendance à trouver, c'est-à-dire qu'on va souvent citer New York 97, The Thing, mais Jack Burton, généralement, c'est le deuxième ou troisième. Vraiment à revoir. Moi, c'est un film que je prends énormément de plaisir à revoir, qui est extrêmement pertinent dans son approche du genre, qui est ultra en avance. Et j'ai pas pu le faire, mais je suis sûr et certain que si tu te fais un back-to-back Jack Burton, Zoo et les guerriers de la montagne magique, t'as des similitudes que tu vas retrouver. Parce que vraiment, il y a des scènes dans le film, je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'ait pas vu le film. C'est pas possible qu'il n'ait pas vu Zoo et les guerriers de la montagne magique. Il y a des plans, c'est les mêmes. Je pense notamment à la scène de fin ou au combat dans la rue entre les deux clans Oui, qui sont l'arrivée des trois tempêtes là. des trois, je sais plus comment ils Je crois qu'ils s'appellent, s'appellent les trois Storms, enfin les Three Storms, et c'est Rain, Lightning et Thunder ouais, c'est en ça. VO qui sont très zou en fait, qui sont très Chaillard dans l'esprit. Mais le Chaillard qui est un peu taré, genre le Chaillard bah, zou, Black Mask 2, tu vois, ces genres de trucs. Enfin, on n'est pas au niveau de Black Mask 2, mais quand même. Je t'avoue que là, je t'es en train de me parler une langue qui. Bah, c'est le Chaillard où personne l'arrête, et il se dit, tu sais quoi, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Faut aimer, ça a son charme, mais c'est un style à part entière. Enfin bref, Jack Burton, c'est excellent. C'est un des nombreux grands films de Carpenter. Enfin, de toute façon, c'est dans sa période 80, c'est à peu près un quasi sans faute. Et donc, est-ce qu'on passe au suivant? Passe au suivant. Alors, le suivant, c'est à nouveau pour moi. Alors, Carpenter, au cours de sa carrière, a fait une trilogie informelle, enfin informelle, une trilogie thématique qui s'appelle la trilogie de l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette trilogie? C'est une trilogie de films profondément nihiliste, et c'est là qu'on va aborder la question de Lovecraft. Une trilogie de films qui va parler de l'apocalypse, mais pas de l'apocalypse dans le sens où ça peut arriver. De l'apocalypse dans le sens où c'est arrivé, c'est fini, il n'y a absolument plus aucun espoir. Le premier film de cette thématique, c'était The Thing. The Thing qui a une fin, c'est compliqué de faire plus nihiliste que la fin de The Thing, quand même. Où c'est basiquement une fin qui te dit, il n'y a aucun espoir, tu n'as aucune chance de t'en sortir, c'est fini. À noter que la version télé de The Thing nique complètement la fin. La version télé t'expurge des scènes gore et te rajoute une scène où tu vois un chien partir dans la neige. Ce que je trouve nul, hein, parce que moi j'aime bien la fin où on sait pas. Hein? D'ailleurs, bah, justement, Carpenter a déclaré que l'un des deux était la chose. Oui, mais j'ai envie de croire que c'est ouvert. J'ai vraiment envie de croire que peut-être, peut-être pas. Maintenant, quand on sait que la trilogie s'appelle la trilogie de l'Apocalypse, oui. Mais donc, bref, The Thing, dont on parlera sûrement à un autre épisode, mais qui est un film qui est d'une noirceur et d'une perte absolue de foi en l'humanité assez finie. Le deuxième film, c'était Prince des Ténèbres, qui est aussi un film que j'adore, qui est extrêmement Lovecraftien. Alors, The Thing, c'est compliqué de faire plus Lovecraftien que The Thing. Le Prince des Ténèbres est aussi extrêmement Lovecraftien dans cette idée de mal que tu ne peux pas analyser, ou qui va même aller plus loin parce que le Prince des Ténèbres traite littéralement d'une confrontation entre quelque chose, enfin le mal à l'état pur, l'espèce de jus de Satan, hein, d'essence de Satan, qui va être analysé par des scientifiques et qui vont justement essayer de confronter leur connaissance humaine à cette théorisation d'un mal absolu et donc insondable. Alors, en fait, ils partent du principe surtout que c'est la religion analysée d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que là où ils partent du principe que les neutrinos ont des antineutrinos, que les protons ont des neutrons, ont des électrons. Là, ils partent du principe que Dieu a son anti-Dieu, et que donc le bien a son anti-bien, et c'est ça, en fait, qui va être traité dans le film. Mais c'est ça qui est incroyable, justement, c'est cette volonté, justement, de tout théoriser, alors que, étant donné que c'est le mal, tu ne peux pas le théoriser. C'est quelque chose qui est impossible même à percevoir pour nous humains. C'est ça le cœur même de Lovecraft, enfin, je pense que les gens connaissent Lovecraft. Mais bon, même Halloween, on parle du premier, où Michael Myers est le mal absolu, qui est confronté au Dr Loomis, qui est censé être son psychiatre, mais qui ne peut rien faire contre lui, parce que tu ne peux pas analyser le mal, tu ne peux même pas le comprendre, normalement. Bref, et donc là on arrive à l'Antre de la Folie. Alors, l'Antre de la Folie, je disais qu'on peut parler de mon Carpenter préféré, je pense que c'est celui-ci. Alors, je vénère The Thing, je vénère Halloween, je vénère beaucoup de Carpenter, mais l'Antre de la Folie a une place particulière, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc, c'est sorti en 94. Déjà, c'est un film d'horreur qui est bien, qui se passe dans les, enfin, qui est sorti dans les années 90. Les années 90, c'était quand même un peu vache maigre en termes d'horreur. 1h35. Qu'est-ce que c'est génial. Alors, synopsis, toujours merci Internet. Alors, le détective privé John Trent est chargé de retrouver Sutter Kane. Alors, déjà, juste pour le nom, j'adore. Un écrivain de romans d'épouvante à succès. Ce dernier a disparu soudainement, juste avant l'apparition de son nouveau roman, L'Antre de la Folie. Trent, accompagné d'une employée de la maison d'édition, Linda Stiles, c'est le nom de l'employée, pas de la maison, suit une piste laissée par Kane. Celle-ci les conduit à Hobbs End, une petite ville oubliée de la Nouvelle-Angleterre qui ne figure sur aucune carte et qui semble en proie à des phénomènes pour le moins étranges. Alors, sur le scénario, officiellement, c'est pas Carpenter qui le réalise, officiellement, c'est un homme qui s'appelle Michael DeLuca. Qui l'écrit, pardon. Oui, c'est Carpenter qui le réalise aux dernières nouvelles. Alors, au scénario, c'est quelqu'un qui s'appelle Michael DeLuca. Alors, c'est quelqu'un qui a démarré scénariste, qui aujourd'hui est producteur. Il a produit, entre autres, Captain Phillips, Social Network. Il a démarré en scénariste sur Judge Dredd et Freddy 6. Ouh un bon. En vrai, Judge Dredd. C'est complètement con, mais j'aime bien. La VF est drôle. Oui. Ouais, voilà, mais la... Parce que la loi, c'est moi. Voilà, mais c'est compliqué quand même, hein, Judge Dredd. C'est quand même pas ouf, même si, vous voyez, Dredd 3D, ça, c'est excellent. Alors, à la musique, on a Carpenter. Et quelle musique, mes aïeux, quelle musique. Oui, putain. Alors, Rien que ça me donne trop avec les journaux. Ouais, avec les grosses guitares, là. Voilà. Alors, à la photo, on a quelqu'un qui s'appelle Gary B. Kibb. Alors, c'est pas quelqu'un que je vais remercier, parce que c'est peut-être pour moi le point noir du film. C'est la photo. Alors, c'est quelqu'un qui a fait... Il me semble que c'est à partir de ce film qu'il bosse avec lui, mais c'est quelqu'un qui a fait tous les films suivants, c'est-à-dire qu'il a fait Escape from LA, Vampire, Ghost of Mars. Ouais, bah justement, j'en parle pour Ghost of Mars. Voilà, ouais. Et alors faut savoir, c'est quand même le bonhomme responsable, mais à nouveau au sens pénal du terme, de Double Dragon et de Robocop 3. On parle quand même du Robocop avec les ninjas. Donc. Alors, ouais, juste chez Carpenter, Gary B. Kibb, il est donc chef homme sur Prince des Ténèbres, The Live, Body Bags, Land de la Folie, Le Village des Damnés, Los Angeles 2013 et Vampire. Bah voilà, tous les films les moins beaux en fait qu'il ait fait. C'est-à-dire que The Thing, on peut dire ce qu'on veut, la photo de The Thing est magnifique. Ah c'est, oui, c'est un film qui est extrêmement beau. C'est pas un film, c'est pas un Carpenter, je vais en parler sur celui-là et surtout sur Los Angeles 2013. Oh, procédez là quand même, les photos. Oui, c'est bon, tiens, c'est pas un réalisateur très clinquant. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va te faire des effets tape à l'œil. Mais c'est quelqu'un qui a une réalisation extrêmement millimétrée et chirurgicale. Et c'est une photo, pareil, qui est pas. C'est pas une photo où tu vas voir des compilations de beaux plans de Carpenter, mais c'est toujours une photo qui est déjà extrêmement agréable à l'œil, je trouve. Et qui colle parfaitement à l'univers qu'il veut mettre. Ah, ben, j'ai dit, c'est un réalisateur d'ambiance, c'est une photo qui va accompagner ça. Là, je trouve que c'est une photo qui fait un peu télé, en fait. À partir de L'Antre de la Folie. Je pense que Ghost of Mars, c'est pareil. Tu vois, c'est une photo qui fait un peu télé. Bah, du coup, il y a ceux qui l'a fait avant L'Antre de la Folie, donc il y a Prince des Ténèbres et. Bah, Prince des Ténèbres, encore tu le dis, ça se tient. Prince des Ténèbres, The Live, Body Bags. The Live, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais Body Bags, ça fait télé, je trouve, la photo. Bah, c'est un téléfilm en même temps. Voilà. Et donc, alors, au casting, pour revenir à L'Antre de la Folie, on a Sam Neill, incroyable Sam Neill, acteur que je pense qu'on aime tous les deux Oui. énormément. Donc, enfin, Jurassic Park, Possession, Les Aventures d'un homme invisible, où il joue le méchant. Et également, je recommande rapidement une excellente mini-série, Les Dix Petits Nègres, sur Agatha Christie, adaptée d'Agatha Christie, qui est en 3 épisodes, qui est excellente, qui est diffusée sur la BBC, qui était super. OK. On a également Julie Carmen. Alors, Julie Carmen, elle a fait ce qu'elle veut, j'en ai rien à faire. Pour moi, ça reste Régine Dandridge dans Fright Night 2, qui est un film que j'aime beaucoup. Faut pas s'enchaîner les deux, mais le deux est très bien. On a également Jürgen Prochnow, alors je pense qu'il n'écoute pas ce podcast, je m'excuse si je n'ai mal prononcé ton prénom, qui joue de façon incroyable Sutter Kane. Alors on l'avait vu chez Lynch dans Twin Peaks, Fireworks With Me et Dune de Lynch. Okay. Alors avant que je sorte mon océan d'amour, toi Roman, l'antre de la folie, pour toi c'est Alors, quoi? juste 2 secondes, Oui? tant qu'on est sur le cast, il y a quand même deux noms qu'on n'a pas dit. Hayden Christensen. Hayden Christensen en livreur de journaux, et évidemment, à ta mère, Charlton Heston en directeur de maison d'édition. Oui, c'est vrai, mais il a un rôle plus maigre, on va Oui, tu dire. vois un peu au début, un peu à la fin, mais Charlton Heston quand même. Oui, Charlton Heston. qui a quand même son petit rôle dedans. Voilà, donc Ben-Hur, la planète des singes, voilà. Enfin, aujourd'hui, il faut pas voir ce qu'il fait aujourd'hui, il faut surtout pas voir ses opinions politiques aujourd'hui, mais ça reste un putain d'acteur. Et du coup, l'antre de la folie, Roman. À quel point c'est bien? Ça me tabasse le crâne, l'homme de la folie, c'est génial. C'est bah surtout, à l'heure où on parle, on n'a pas encore les votes ne sont pas encore terminés sur quel sujet on aura pour pas l'épisode prochain, mais l'épisode d'après. On s'en prend de l'avance. Épisode 9. Mais si c'est Meta qui gagne, déjà ça me fait mal au cœur, mais c'est celui-là que j'aurais pris. Si je l'avais pas pris maintenant, c'est celui-là que j'aurais pris pour Meta. Explique en quoi, explique l'aspect méta. En fait, c'est. Alors, l'antre de la folie, donc comme je dis, c'est John Trent qui va rechercher le manuscrit de Sutter Kane, ainsi que Sutter Kane lui-même. Et en fait, alors, on va spoiler comme des bâtards. Autant sur Jack Burton, on s'est à peu près retenu. À partir de ce film-là, je spoil comme un bâtard. Donc, l'antre de la Dis-le lui folie. à fond, dis-le lui à fond. À fond. L'antre de la folie, il va donc arriver à Hobbs End. Alors, et la scène d'arrivée à Hobbs End, Et incroyable. magistral. C'est comment. Alors. J'ai difficilement peur devant les films. Celui-ci m'a fait peur, mais m'a vraiment terrorisé. C'est un film qui me donne chez moi une angoisse extrêmement prenante. Et en fait, il va arriver à Hobbs End, donc qui rappelle est une ville qui n'existe pas autre que dans la littérature de Sutter Kane. Voilà. Donc une ville fictive dans le New Hampshire. C'est un peu comme si des gens allaient chercher à trouver Stephen King à Derry. Attends, non, merde. Ça existe. Et donc. Il arrive donc à Hobbs End, et à Hobbs End, il va être confronté à nouveau à un principe extrêmement Lovecraftien de lui veut tout rationaliser. Il va d'ailleurs répéter en permanence, ça c'est la vérité, ça c'est la réalité. Sauf que il va réaliser que les habitants peuvent muter, devenir une espèce de créature. Alors d'ailleurs, c'est un des rares défauts que je donne au film, c'est qu'il y a une scène, la scène du mur de créature, Ouais. qui sur le papier est incroyable. Dans les faits, je trouve que le design est cool, mais que l'animation marche pas très bien. Bah après. Pourtant, c'est fait par KNB, les effets spéciaux, hein, mais je trouve que là, l'animation est pas très belle. Tu allais dire que Bah je. justement, il a coûté combien le film? Il a coûté. Ah bah il a coûté 8 millions. C'est pas Voilà, un énorme c'est budget. un petit budget. Et en fait, donc. On parle du mec qui avant ça qui bon avant ça il fait Body Bags donc téléfilm donc pas trop de budget mais son budget d'avant c'était Homme Invisible avec 40 millions. Mais Homme Invisible, c'était un gros film de studio, je t'avais dit, il avait été un C'était petit peu mis Warner. dessus, pas à l'arrache, mais il s'est retrouvé dessus un peu au pif. Voilà. Et après ça, c'est Village des damnés avec un budget de 22 millions. Donc là, ils se retrouvent avec 8 millions. Bah, c'est un contexte plus indépendant et je pense que c'est ce qui lui va mieux. Ah oui, Et totalement. en gros, donc pourquoi est-ce que ça devient méta? Parce que au fur et à mesure que le film avance, on réalise que l'antre de la folie, le roman présent dans le film, raconte en fait l'histoire du film et que il va être adapté et que l'adaptation est plus ou moins le film qu'on regarde. Ça a l'air assez compliqué vu comme ça, sachant qu'il y a une question que j'aime énormément qui est à partir de quel moment est-ce que Sam Neill est un personnage de fiction? Il y a des indices. Pour moi, c'est à partir du moment où il arrive à Hobbs End. Mais des indications disent que c'est dès le début, et d'autres disent que c'est à partir du moment où il se fait attaquer par le bonhomme à la hache qui entre dans la fiction. Pour moi, c'est dès le début, et il y a ce côté. Alors, on va divulgâcher un film qu'on avait déjà divulgâché dans l'épisode sur l'Espagne. Mais pour moi, le fait qu'il refuse d'admettre que c'est un personnage de fiction, Je sais de quoi tu vas il y parler. a ce côté ouvre les yeux, justement. Il y a le psychiatre de ouvre les Je yeux. sais que tu me fais plaisir Voilà. là. Mais ça m'y a fait penser, du coup, en le revoyant comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a de ça, mais l'antre de la folie, quelque chose qu'il faut concevoir aussi, c'est que c'est à nouveau. Enfin, adapter Lovecraft, c'est compliqué. Adapter Lovecraft, c'est extrêmement compliqué parce que Comment montrer une horreur que par définition tu ne peux pas Voilà. voir? Enfin, comment adapter du coup les bouquins de Les Lovecraft? grands anciens, les grands anciens, Voilà, parce limite. qu'après il y a les trucs genre Réanimator. Bah, les réanimateurs, c'est moins Lovecraftien, mais par exemple, je pense, t'as vu Dagon de Gordon, Toujours toi? pas. Mais en fait, Dagon, à la base, Lovecraft, c'est souvent des romans épistolaires. Je sais que je suis plus gros lecteur que toi, mais Oui. c'est vraiment un univers qui est souvent des romans épistolaires. Et du coup, Dagon, par exemple, alors dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais à la fin, il voit Dagon, qui est un espèce d'énorme dieu de l'océan, c'est pas Cthulhu, mais c'est un espèce de gros lézard de l'océan, sortir de l'eau, et il le voit à travers sa fenêtre, et il écrit Ah, ou un truc comme ça. Tu peux pas faire ça dans un film. Et là, il arrive parfaitement à faire ça. Déjà, là où The Thing, c'était le parti pris de montrer frontalement, mais tu ne peux pas le décrire. Ce qui est à nouveau une. Enfin, je me répète, mais c'est une performance hallucinante, je veux dire. Parce que Robotine sur The Thing, mais merci, merci Dieu. Et là, sur l'entre de la folie, il va prendre le parti de la confusion totale. C'est-à-dire que tu ne sais jamais si tu es dans la réalité ou dans la fiction. Et même moi, en revoyant le film, en disant, OK, c'est à tel moment peut-être. Le film va utiliser de plein de stratagèmes, genre le stratagème de boucle, tu sais, quand il sort de la ville en voiture et qu'il revient, Ouais. pour te perdre et te dire, mais attends, il est dedans, il n'est pas dedans, il part, il repart. Et moi, il y a une scène, enfin une scène, un décor que j'adore, c'est l'intérieur de l'église. Oh putain. Je trouve. Alors, pour parler de cette scène, en gros, Sam Neill va se retrouver confronté à Sutter Kane. Alors, Sutter Kane, il faut savoir aussi, rapidement, c'est 10 minutes d'apparition à l'écran. En 10 minutes, ça marche. Hein. En 10 minutes, il est. Incroyable, vraiment, il a une prestance assez dingue. Et donc, Sutter Kane a déjà rendu fou l'éditrice en lui faisant lire donc l'Antre de la Folie. C'est son agent, parce que c'est pas Son l'éditrice. agent, pardon. Là, son. La L'agent de responsable. la maison d'édition. Bref, oui, voilà. Et il va se confronter à Sam Neill. Et dans l'église, Sutter Kane a derrière lui une espèce d'énorme porte où il explique que des créatures qu'il ne peut pas décrire, donc les créatures Lovecraftiennes, c'est le concept de base. Lui ont dit d'écrire ce livre, lui ont dit d'écrire les livres qu'il a écrits en général, et que ce livre-là, L'Antre de la Folie, est censé être son dernier. Sam Neill va donc voir ce qu'il y a derrière cette porte, et ça, c'est à nouveau une idée de Jenny Carpenter, c'est de mettre la caméra de l'autre côté de la porte. C'est-à-dire qu'on voit Sam Neill voir ce qu'il y a derrière, mais nous, on ne le voit pas. On ne peut donc que imaginer. C'est très bateau à dire, mais pouvoir l'imagination, ça marche très bien, et ici, ça marche évidemment très bien. Puis ensuite, il va se retrouver à fuir, confronté par une espèce de mur de créatures. Nous, c'est la scène où je trouve que ça marche pas très bien en termes d'animation. Mais sur le papier, c'est dingue. Et faut l'audace de filmer ça. Et qu'est-ce que c'est incroyable. Je trouve que cette scène, malgré ses défauts, je la trouve incroyable. C'est comment t'illustrer quelque chose d'imperceptible pour l'être humain, mais de façon extrêmement cinématographique et extrêmement pertinente. Parce que ne jamais rien montrer, je pense à The Lighthouse. Je suis extrêmement mitigé parce que c'est très frustrant. Moi, c'est une démarche que moi je trouve frustrant. Et là, il te montre quand même un peu. Et du coup, tu te dis, ah, ça fonctionne, c'est bien. Il te montre juste assez pour te laisser t'imaginer le reste. Exactement. Et c'est là où ça marche très bien. Et également aussi, je pensais sur l'usage de la couleur. C'est-à-dire, Carpenter a souvent utilisé du bleu pour représenter la menace. Et ici, si vous prêtez attention, il y a plein de scènes où il y a des lumières bleues très discrètes. C'est ça qui me fait me dire qu'il devient possédé à partir de Hobbs End. Parce que tu as beaucoup plus de bleu. Même dans les cadres, dans les constructions, tu as toujours un petit point de bleu quelque part. Alors peut-être que c'est moi qui surinterprète, mais étant donné que c'est Carpenter, j'ai envie de croire qu'il l'a fait exprès. Et à savoir aussi, à la fin, donc je te laisserai raconter ça, le texte du film est en bleu. Sous-entendant que le pouvoir de Sutter Kane n'est peut-être pas que dans le film, qui sait. Et donc, vas-y, cette Voilà. fin, Bah, du cette coup, en fin. parlant de bleu, il y a ce moment où Sam Neill est dans un bus pour rentrer à New York et que il y a justement il est en train de il a un cauchemar de Storkin qui lui dit je t'ai déjà dit que ma couleur préférée était le bleu. Genre, Voilà. il dit j'ai plus d'incidence sur cette réalité que tu ne peux l'imaginer. Parce que je t'ai déjà dit que ma couleur préférée était le bleu. Il se réveille, tout est bleu autour de lui. Exactement. Et Et donc cette là fin. et donc cette fin. Donc tout le film nous est raconté par le biais de Sam Neill qui parle à un psychiatre. Ouais, qui est enfermé avec cette image incroyable où il est avec des croix partout sur la tête, Ouais. qui est au centre d'une affiche du film que j'aime énormément, où tu vois Sam Neill au premier plan avec des croix et Sutter Kane derrière lui. Enfin. Je crois que c'est le Blu-ray édité chez Scream Factory. Ouais, il me semble que c'est lui. Et donc, il nous raconte tout ça. Il raconte du coup que le fait de lire L'Antre de la Folie rend fou, littéralement. Du coup, c'est cette folie lovecraftienne. Pour expliquer rapidement, Le principe de la folie Lovecraftienne dont tu viens de parler, c'est que les créatures qu'il y a dans notre monde, ou le mal absolu, j'évoque beaucoup la notion de mal absolu, mais pour simplifier, qu'on se fait juste que pour Lovecraft, il existe un mal, qui est une sorte d'entité, ou une sorte un concept, c'est vraiment plus un concept, que nous, humains, à notre échelle, on ne peut même pas imaginer, et que le simple fait de le voir, voire de l'imaginer dans certains cas, est suffisamment fort et suffisamment horrible pour nous rendre fous quasiment instantanément. Ah, mais c'est comme. Alors, je connais beaucoup mieux Lovecraft que toi, Je suis loin d'être un expert. mais j'avais vu que, par exemple, le Cthulhu, bon, déjà, au-delà de sonder l'esprit des gens, Ouais. c'est une créature tellement grande que l'esprit humain ne peut pas se le figurer et que rien que le fait de voir Cthulhu et de voir les dimensions absolument Monstrueuse et monstrueuses et impossibles, en fait, de cette créature, suffit à te rendre fou. c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Et même, enfin, rapidement pour divaguer sur le Carpenter, Ok. Asso, joli, Asso, t'as déjà ce concept d'horreur Lovecraftienne avec le mal qui n'a pas de visage. Ou dans Asso, qui est un excellent film par ailleurs, allez le voir, c'est vraiment une tuerie, et la BO de Asso, incroyable. Où en fait, les assaillants, on ne filme pas leur visage, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas d'identité, et c'est ce concept d'horreur Lovecraftienne. Michael Myers, son masque est un masque vide, parce qu'il a les yeux noirs, parce qu'il n'a pas d'identité. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la scène où il retire son masque, est-ce que Carpenter la voulait à la base? Il me semble pas. Je t'avoue que je ne sais pas. Il me semblait avoir lu un truc comme ça. Mais genre, c'est le fait qu'on ne peut pas le Elle est dans la concevoir. Director's Cut. Ouais, mais je sais pas, il me semblait avoir lu un truc comme ça, je peux peut-être me tromper. Et donc, sur l'antre de la folie, je te laisse reprendre, mais oui, effectivement, le simple fait de lire ces lignes nous rend fous instantanément. Voilà. Et donc, ça commence déjà à être la merde dehors. Il y a beaucoup d'émeutes. Déjà, on apprend que quand Sam Neill rentre à New York, lui, dans sa tête, il vient d'arriver, mais en fait, ça fait des semaines qu'il est là, ça fait des semaines qu'il a rendu le manuscrit complet de L'Anne de la Folie à la maison d'édition, Et que c'est ça a été lui qui l'a édité, rendu. et c'est lui qui l'a rendu, oui. Et surtout, il y a un film en préparation. Qui va sortir. Voilà. Et au moment où donc il est toujours interné, le psychiatre sort. Donc, et le psychiatre, juste avant ça, avait dit à Sam Neill, mais il y a tout le monde ne lit pas Sutter Kane. Mais il y a le film qui va sortir. Il y a le film. Voilà. Et il se fait enfermer. Enfin, il reste enfermé. Le psychiatre s'en va. C'est la merde dehors. Il sort de sa cellule. On trouve un espèce de trouve une espèce de ville en désertique, enfin en ruine. Désolé, c'est ça. Et là, il entre dans un cinéma qui diffuse L'Anne de la Folie, où lui-même est sur l'affiche. Et Et il voit ce qu'il a vécu à Hobbs End, il voit tout ce qu'il a vécu. qui répète, c'est la réalité, Voilà, c'est la ce réalité, n'est pas c'est. la, il dit des trucs genre, ce n'est pas la réalité, ça c'est la réalité, nous. Voilà. Il comprend et il commence à rire, finalement parce qu'il réalise que. Alors, c'est pas moi qui ai trouvé cette analyse-là, je l'ai reprise d'internet, mais je la trouve extrêmement juste. Il réalise peut-être une des choses les plus horribles qui soit, qui est que tout ce qu'il croyait être sa vie, que lui dirige, d'autant plus que c'est un enquêteur indépendant. Donc, et il n'arrête pas de dire, il n'y a personne au-dessus de moi, je me contrôle, j'ai ma propre vie, etc. Il réalise que tout ce qu'il pensait être sa propre vie, en fait, a été écrit, pensé, prévu et anticipé par quelqu'un d'autre, et que finalement il n'est que un parmi tant d'autres, ce qui est peut-être un des trucs les plus tétanisants que tu puisses réaliser de ta vie. Et surtout, ça fait écho à une réplique qu'on entend plutôt dans le film. C'est le donc un moment qui laisse penser à un apocalypse qui va arriver. On entend quelqu'un dire le dernier survivant à ce moment-là ne c'est Sutter Kane, je crois qu'il dit le dernier survivant de l'espèce humaine ne rigolera pas du tout. C'est Sutter Kane, c'est C'est Sutter Sutter Kane. Kane. Et effectivement, lui, enfin, on sait pas trop si c'est le dernier survivant, mais visiblement peut-être, il réalise que bah, Ah, c'est quoique peut-être pas, terminé. parce que t'entends une radio au début qui dit Ouais. si vous êtes survivant, machin. Mais il réalise que c'est terminé, et ça conclut cette trilogie de l'Apocalypse qui, à nouveau, est pour moi un sommet de nihilisme au cinéma. C'est-à-dire que on peut se dire, c'est des films un peu rigolos, ça c'est un truc qui est extrêmement bien chez Carpenter, c'est que c'est un auteur. Je pense que t'as pas besoin d'expliquer pourquoi. Mais ces films sont toujours extrêmement didactiques, extrêmement fun, à peu près, à regarder. Ici, The Thing, Prince des Ténèbres, L'Antre de la Folie, c'est vraiment des sommets de noirceur et de perte d'espoir et de foi totale en l'âme humaine qui sont assez terminés, enfin, en stade terminal. C'est-à-dire que L'Antre de la Folie, finalement, la fin, c'est quoi? C'est l'apocalypse est parmi nous, Tu n'as plus aucun espoir. C'est fini, c'est fini. Il réabordera ce thème dans Cigarette Burns, Ah dont on justement, on en parlera plus parlera, tard. voilà. Mais voilà, bref, pour moi, L'Antre de la Folie, c'est peut-être un des plus grands sommets de sa carrière, pour voir la trilogie de l'Apocalypse en général, mais... Je pense qu'il est dans mon top 3 de Carpenter, vraiment L'Antre de la Folie, aux côtés d'Halloween et peut-être de Jack Burton. Ouais, moi, je trouve que c'est... Si je devais en dire résumé 3, je prendrais Halloween comme toi. Je prendrais L'Antre de la Folie et Et tu peut-être New prends York 97. J'aime vraiment beaucoup New pas York The 97. Thing? Ah ouais, bon, si, The Thing. Mais c'est trop compliqué, il a fait trop de grands films. Et celui-ci, pour moi, c'est vraiment celui qui... En tout cas, moi, me met le plus mal. Me met dans des états d'angoisse assez forts, qui, bon, c'est pas au point de pas dormir la nuit, hein, mais c'est un film que je trouve vraiment extrêmement impressionnant, extrêmement maîtrisé, et qui a une réflexion sur l'acte créatif et sur le simple fait d'imaginer... une réflexion sur comment mettre en scène quelque chose que tu ne peux pas imaginer, que je trouve absolument incroyable. Pour moi, c'est démarré dans Prince des Ténèbres, c'est conclu dans L'Antre de la Folie. Après, il aura réessayé plus tard, il me semble qu'il essaye ça un peu dans The War. Mais dans The War, à nouveau, c'est très compliqué. Bref, L'Antre de la Folie, c'est dingue. Allez le voir. Et on passe au suivant. On passe au suivant. Alors, le suivant, donc on va conclure avec moi. Alors, on aborde une question extrêmement compliquée. C'est-à-dire que le film suivant, c'est pas un film qui a une histoire compliquée, parce que enfin, c'est la suite de Escape from New York. Alors, Escape from New York, sorti en 81, tu l'as dit, Escape from New York, c'est un succès plutôt raisonnable. C'est un succès, mais c'est pas non plus un succès colossal. Escape from New York, ah si, quand même, gros succès. Il coûte 6 millions, il en rapporte 25. Voilà, donc c'est un de ses gros succès. Voilà, sur le sol américain, et c'est son seul film en France qui dépasse le million d'entrées avec 1 278 000. Voilà. Donc Escape from New York, ça date de 81, c'est l'histoire de Snake Plissken, juste ce nom. Peut-être pour moi le meilleur personnage qu'il ait jamais écrit. Je trouve que c'est le personnage qui est le mieux écrit et le mieux pensé. Alors, Le plus carpentérien dans l'esprit. Pour moi, je pense que je pense que pareil, c'est son meilleur personnage. Pour moi, son meilleur personnage slash concept, ça reste Michael Myers. Oui, mais Michael Myers, je te dis, c'est plus un concept, justement. Et alors, Snake Plissken, je vois juste aussi, c'est pas un personnage attachant du tout. Oui. C'est globalement un connard. Mais je me suis fait la remarque en voyant L'Antre dans la Folie, je reparle de nouveau de ce chef-d'œuvre rapidement. Sam Neill dans le film n'est jamais attachant. Mais à nouveau, c'est un concept extrêmement Lovecraftien, ça. Parce que les personnages de Lovecraft sont jamais attachants. C'est toujours des personnages plus ou moins lambda, extrêmement sceptiques face à tout ce qui les entoure. Et le fait de ne pas rendre ça attachant, c'est vraiment pousser la démarche encore plus loin. Mais bref. Donc Snake Plissken, c'est un... Oui. J'ai pensé à mine de rien. Le seul. Si on reste dans l'horreur, parce qu'après il y a les personnages dans ces autres films ou quoi. Oui. Si on reste dans l'horreur, typiquement, un des seuls Carpenter où le perso principal est attachant. C'est Halloween, peut-être. Perso masculin principal, Ouais. peut-être. C'est Christine. Oui, ouais, oui, il y a de ça. Bah, après, ça, c'est aussi parce que c'est adapté de C'est King. ça, c'est parce que King joue beaucoup sur l'empathie. Le héros de Christine, au début. Ouais, au début, parce qu'à la fin, ça devient une espèce de gros connard. Voilà. Bref, alors, donc Escape from New York, si on en parle rapidement. Alors, c'est un film qui, à nouveau, est très nihiliste. C'est un film qui ne croit en rien. À l'image de son héros, Snake Plissken, c'est un héros qui est nihiliste, qui ne croit pas. C'est Carpenter. Il ne croit pas aux institutions, il ne croit encore moins au capitalisme. Et c'est un héros qui ne pense qu'à lui, qui a sa devise, c'est qu'il veut juste vivre 60 secondes de plus. J'adore cette phrase. Alors qu'est-ce que tu veux vivre 60 secondes de plus? C'est magnifique. Interprété de façon titanesque par Kurt Russell, Deuxième collaboration du contre deuxième deux après collaboration, Elvis. exactement, qui livre une performance mais de malade mental en Snake Plissken. C'est un de ses rôles cultes sans trop d'hésitation. Ça, et son rôle de Père Noël. C'est Non, aussi. mais plus heureusement, voyez les chroniques de Noël parce que Kurt Russell, qui te rappelle dans une certaine scène dans une prison qu'il a joué Elvis. Ça. C'est marrant. C'est marrant. Et donc, toi, New York 97, c'est comment? Est-ce que tu l'aimes bien? Oui. Dans 97, je l'adore. Dans 97, je l'ai vu un certain nombre de fois, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois, dans 97 déjà. C'est un film que j'avais découvert en DVD en l'ayant acheté à Metaluna un jour, de ma folle adolescence. J'imagine, tu achètes le film, tu t'attends à rien, tu le regardes, voilà, clac. La claque, et surtout, la turbo claque de le revoir en salle au Max Linder pour la nuit au Max Carpenter numéro 2. Ça devait être bien. Ça devait être très très bien, c'était génial. Bon, j'ai dormi pour le troisième film, hein, typiquement. Oh, c'est pas grave. C'était aussi promêlé. C'est grave. Et en fait, LA, hein, pas New York. c'est pas grave. Et en fait, sur Escape from New York, c'est un film qui est tourné à l'économie, tu as dit, c'est 6 millions, mais c'est un film qui justement va utiliser cette économie pour Bah, j'ai parlé du talent de cadreur de Carpenter. C'est un film où vous pourrez voir, il y a assez peu de détails en fait qui témoignent d'une apocalypse, mais c'est un film qui est complètement apocalyptique dans son ambiance. C'est-à-dire que le rythme est assez lent, ce qui est paradoxal pour un film qui a un compte à rebours qui est censé aller vite, qui est censé être dans l'urgence. Là, Carpenter va poser le rythme pour essayer d'instaurer cette ambiance extrêmement lourde. Je sais pas si vous avez vu Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill, le New York de Escape from New York, c'est à peu près Les Guerriers de la Nuit 20 ans plus tard, dans l'idée. Et donc, après Escape from New York, il est question d'une suite assez vite. Kurt Russell pousse pour faire une suite, parce qu'il a adoré jouer Snake Plissken, il pousse pour faire une suite. Mais la suite se fait pas tout de suite. Escape from LA s'est sorti en 96, et alors, entre-temps, il s'est passé quoi? Bah, Carpenter était pas forcément très chaud, mais c'est vraiment la volonté de Kurt Russell qui l'aura poussé à se remettre en scène. Debra Hill aura aussi participé à l'écriture. Alors, Debra Hill, c'est compliqué de parler de Carpenter sans parler de Debra Hill. C'est une productrice qui aura produit, il me semble, tous les films de Carpenter. Quasiment. Ouais. Mais en tout cas, c'est une productrice culte enfin, des années 80 qui a bon, là, j'ai la liste sous les yeux, elle aura produit Halloween 1, Halloween 2, Halloween 3, elle Bah, aura surtout, produit The Fog, ils étaient ensemble à l'époque de Halloween 1. ils étaient ensemble, elle aura produit Escape from New York, elle aura produit Dead Zone de Cronenberg dans un autre registre. Elle aura participé rapidement à l'écriture. Et donc, Escape from LA, c'est un film qui est cabossé. C'est un film qui est cabossé, pourquoi? Je vais déjà finir sur sa fiche technique rapidement. Alors, à la photo, on retrouve Gary Bakib, donc je ne remercie toujours pas parce que le film est vraiment pas beau. En revanche, Escape from LA, c'est vraiment pas très très beau. À la musique, on a John Carpenter toujours et Shirley Walker. Alors, Shirley Walker, elle aura fait la musique de Destination Finale 1, 2 et 3, c'est pas mémorable, et la musique de Black Christmas, le remake dont on avait parlé dans l'épisode Noël. Ok. Et c'est au casting, on retrouve Kurt Russell pour jouer évidemment Snake Plissken. On a également Stacy Keach. Donc Stacy Keach, c'est American History X, c'est Sin City 2, qui est un film que je prends beaucoup plaisir à citer, mais beaucoup moins de plaisir à voir. Il a également joué dans Body Bags, il me semble. On a Steve Buscemi, on a Bruce Campbell dans un petit rôle. Il fait qui? On se rappelle? Il fait le général de Beverly Hills. Tu le vois rapidement, mais il est dedans, il est dedans. Ok. Et alors, Escape from LA, c'est un film qui est cabossé parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le studio sur l'écriture, sur le tournage en général, les effets spéciaux aussi qui sont vraiment, vraiment horribles. Bref, c'est une suite maudite, mais c'est un film que je trouve extrêmement significatif de Carpenter à cette époque-là. Alors, pour reprendre le synopsis, alors à nouveau, merci Internet, je suis très mauvais. Donc, dans le futur, en 2013, donc, enfin, non, avant 2013, nous sommes en 2010. Bref, dans le futur, je n'ai plus la date exacte en tête, vous m'excuserez. Un tremblement de terre a détaché Los Angeles du continent américain, le transformant en une île. Et le président des États-Unis a vu ce tremblement de terre comme un signe pour envoyer à Los Angeles tous les criminels, globalement, les gens coupables de crimes moraux. Président élu à vie, je précise. Élu à vie, exactement. On va y revenir justement. Le sachez-vous, Carpenter est de gauche. Ouais, ça se voit un petit peu. Et quand la fille de ce même président propart au mouvement rebelle, vole une arme qui peut éteindre toutes les technologies de la planète, c'est-à-dire désactiver tout objet technologique Une sur boîte noire, Terre. c'est appelé en tout cas en Voilà. VF. Bah, moi, c'est juste appelé l'épée de Damoclès. C'est un surnom qu'on donne à ça aussi. Et donc, le président ne voit pas d'autre choix que de faire appel à nouveau à Snake Plissken pour sauver à nouveau la mise. Alors, toi, Romain, tu as découvert Los Angeles 2013. Comment ça s'est passé, Los Angeles 2013? Ce qui est à nouveau suite maudite. Seule suite de ces films réalisés par Carpenter, années 90, début de la chute de Carpenter, comment ça s'est passé? Alors déjà, il faut savoir que Carpenter et les suites, c'est pas une grande histoire d'amour. Hein, c'est-à-dire que il était plus ou moins forcé de participer à Halloween 2 pour la simple et bonne raison que s'il le faisait pas, on lui finançait pas Fogg. Et du coup, c'est à cause de ça qu'il a été obligé de rajouter le truc comme quoi c'est la sœur de Michael Ça, en gros, il Myers. lui fallait un truc et lui, bah, il voulait pas faire ça. Il se biturait un peu la gueule tous les soirs et il a déclaré qu'il devait être bien bourré pour avoir trouvé cette idée de lien fraternel. La saga ne l'en remercie pas. Et donc, Escape from LA, ça s'est passé comment? Et si elle promettait, alors déjà dès le début, c'est moche. C'est-à-dire que les effets 3D, C'est pas beau. ça pique les yeux, mais vraiment salement. Que ce soit les immeubles, que ce soit le vol, le sous-marin, que ce soit la vague, il y a des trucs. Bah, la scène de la vague, elle est marrante, hein, je dis pas, il y a une super musique, Kurt Russell qui surfe, c'est rigolo. Mais quand il descend de son surf et qu'il monte sur la voiture, je vous invite à regarder la vague à côté, c'est très lourd à voir. Enfin, c'est très lourd. Ça sort assez vite du film quand même. Beaucoup de gens parlent de la vague dans Meurtre d'autre jour. Bah après, Murmur un jour, c'est compliqué parce que c'est pas bien. Là où là, il y a quelques scènes où ça va encore. Moi, là, enfin, le film est bête. On va pas se mentir, Los Angeles Honnêtement. 2013, au global, c'est assez bête. Même si, c'est paradoxal parce que ça a une charge politique encore plus forte que son prédécesseur. Oui, c'est-à-dire que le 1, en gros, enfin, le 1, je le vois comme une critique du système carcéral en tant que tel. Et des États-Unis déjà parce que le système américain est déjà représenté comme une espèce de semi-dictature. Oui, mais là où du coup le 2 va plus loin et dans le sens où bah, donc c'est une prison où on envoie tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous ceux Qui qui. mangent de la viande, Ouais. qui couchent en dehors du mariage, qui fument ou ce genre de Fume, trucs. voilà. Bah à la fin, il y a une réplique que j'aime beaucoup. Un des soldats dit à Snake Plissken, on fume pas, on mange pas de viande rouge, on ne couche pas avec des femmes, sauf si t'es marié évidemment, on boit pas, tout ça. Et Snake Plissken répond, Land of the free. J'adore cette réplique. Mais bref, le film te dit dans l'idée, si t'es de droite, tu es un connard fini. Ça, puis surtout, t'as cette idée que bah, la prison, c'est finalement peut-être la dernière terre libre des États-Unis. Mais comme dans tout système, eh ben, y a forcément des gens plus puissants. Et là, on le retrouve avec cette espèce de. De Che Guevara. C'est ça. Non, putain, sa présentation, le fond d'écran de sa présentation, quelle horreur. Une espèce de fleur en 3D. Genre, la vidéo où il est présenté, lui, il jette une espèce de colombe, c'est ignoble. Le fond d'écran, c'est horrible. On dirait Adibou. C'est horrible. C'est horrible. Mais le film a. Moi, je trouve qu'il a quand même trois éléments qui le sauvent. De un, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et à l'image qui s'en dégage, j'ai l'impression, Escape from New York n'est pas un film d'action. C'est un pur western. C'est-à-dire Oui. qu'au global, t'as quoi, deux films d'action, deux, trois scènes d'action grand max. Ah, t'as la scène du ring, du quoi? La Passion from New scène du York? ring, la scène de fin, et c'est globalement tout. Je veux dire, tu sais, ça se tire deux, trois fois dessus, mais c'est pas Ouais. un film d'action. Celui-ci est un pur film d'action, quasiment dans la vague. J'aurais du mal à inscrire dans la vague de Last Action Hero, qui va déjà être dans le petit sourire en coin, parce qu'il est quand même super premier degré. Mais il est beaucoup plus. Ouais, si, je peux pas empêcher de me dire qu'il a quand même un peu de second degré. Genre le coup de la vague, enfin c'est quand même. Oui. Mais en fait, enfin. Je pense que Carpenter a voulu faire un truc beaucoup plus décomplexé, à l'image du film suivant dont on va parler, mais... Oui. Bah, c'est le début de sa période, pas sa, je vais pas dire sa période sortie de route, mais sa période où il se prend moins au sérieux. Bah, y a une différence fondamentale, c'est que Escape from New York, c'est majoritairement de nuit, et Escape from LA, majoritairement de jour. Ce qui déjà C'est la grosse limite les différence entre les impacts. deux. Anecdote aussi, James Cameron a bossé sur Escape from New York. Il a fait des matte paintings. Ok. Voilà, j'adore cette anecdote. Après, du coup, pour revenir. Anecdote, Damien Chazelle a écrit Le dernier exorcisme 2. Ouais, qui est pas bien, c'est pas bien. Ensuite, deux autres éléments que je sauve un petit peu dans le film. C'est. Alors, sa fin, c'est le troisième. Pour moi, je t'ai écrit en antenne. Quand j'ai fini le film, je t'ai envoyé un message qui disait. Le sous-titre de Los Angeles 2013, ça devrait être A Skip, une fin pour rattraper un film. Voilà la démonstration. Voilà. La deuxième chose que je sauve dans le film, c'est son ambiance. À nouveau, je répète, Carpenter, c'est un réalisateur d'ambiance. Et je trouve que là, il y a une espèce d'ambiance. Bah, tu as dit Terre libre, qui est assez dingue. Parce que pour le coup, dans Escape from New York, les États-Unis, enfin les États-Unis, la figure d'autorité est montrée comme des connards. Je peux pas m'empêcher de penser à la course à la mort de l'an 2000. Oui, il y a de ça, mais New York n'est pas montré comme mieux. Là où, dans Los Angeles 2013, les États-Unis sont montrés comme des espèces d'ordures finies, mais Los Angeles, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus cool. Il fait pas spécialement bon vivre, mais t'as bien résumé, c'est une espèce de terre de liberté. Je trouve l'ambiance de celui-là qui fonctionne super bien. C'est vraiment un truc que je trouve chez Carpenter, c'est sa façon de mettre en scène les ambiances. Sauf dans le dernier dont on va parler. Pas beaucoup d'ambiance et pas beaucoup de grand-chose. Et alors, la fin, enfin le troisième truc, je te laisse la résumer. Cette fin, que pour moi, c'est. Allez, je le dis là comme ça, la meilleure fin qu'il ait écrite. Ah En tout ouais? cas, je trouve que c'est sa fin la plus radicale, la plus forte, la plus inattendue, surtout. Enfin, surtout que c'est un film de studio, donc c'est. Il a fait passer ça. Et je trouve que ce qu'il y a derrière cette fin, ce qu'elle veut dire, surtout sur. Ben, pour moi, la fin, c'est ce que Carpenter veut dire au studio à ce moment-là. C'est comme ça que je la vois, et je la trouve incroyable. Et pourtant, il sait faire des bonnes fins. Hein. Il sait faire même des très très très bonnes fins, à nouveau, le Land de la folie, The Thing, tout ça. Mais je Même trouve que. Halloween, hein. Même Halloween, mais je trouve que cette fin de Los Angeles 2013 est incroyable. Je te laisse la raconter. Alors du coup, c'est le même mécanisme que pour Escape from New York, c'est-à-dire qu'il y a le MacGuffin à ramener, en plus d'une personne, Sauf que là, la personne, en l'occurrence, il devait la tuer, mais il la ramène quand même. La personne étant la fille du président, que le président condamne à mort quand elle revient. Voilà. Ça a son importance dans la suite. Et donc, il ramène le MacGuffin, donc c'est-à-dire la boîte noire, l'épée de Damoclès. Évidemment, c'est un faux. En fait, il intervertit, il a une deuxième boîte noire qui est plutôt une espèce de contrôleur de radio. Et il va intervertir la boîte noire de l'épée de Damoclès qui, je rappelle encore une fois, éteint tous les appareils électroniques sur Terre avec la boîte noire de radio, ce qui fait La que. voiture de Steve Buscemi, Voilà. qui, je le rappelle, est doublé, enfin, je ne l'ai pas encore dit, mais qui, je le rappelle, est doublé en français par Philippe Homer Simpson Pétieux. Ce qui n'est pas étonnant quand il réfléchit, hein, c'est cohérent. Mais donc le président des États-Unis se retrouve avec la boîte qui contrôle la radio, Snake à la boîte qui contrôle l'épée de Damoclès. Voilà. Les sbires du président veulent lui tirer dessus, c'est un hologramme. Echo, au début du film, où Snake a voulu s'en prendre au président et à ses hommes qui, évidemment, étaient des Étaient hologrammes. des hologrammes. Et t'as Snake, plus loin, en lieu sûr, qui active l'épée de Damoclès et désactive tout. Et cette, je trouve cette Désactive tout, fin y compris la chaise électrique qui sauve la fille du président. qui aurait dû servir à condamner la fille du président, donc voilà. Et je trouve cette fin titanesque. Parce que pour moi, cette fin, c'est Carpenter qui voit que. Je pense que c'est quelqu'un de très. Qui a du recul sur ce qu'il fait et qui a du recul sur l'industrie. Et tu sais, cette période, c'est déjà où il commence à retourner vraiment en indé. Et je pense qu'il voit que ça s'approche de la fin et qu'il se dit, allez vous faire foutre. Vraiment, je trouve ça extrêmement fort comme geste de mettre cette fin et de voir que c'est passé. Et surtout de confier ça à Snake Plissken, qui est joué par Kurt Russell, qui est l'acteur phare de Carpenter. C'est pour ça que moi, je ne peux pas m'empêcher de voir Carpenter qui délivre un message avec cette fin-là et qui dit juste, mais je vous emmerde, c'est fini. C'était leur dernière collaboration d'ailleurs, leur cinquième et dernière. Ouais, c'est leur dernière et le film est cabossé, le film a des problèmes, mais je trouve que finir sur ça, c'est peut-être la meilleure façon de finir qu'il aurait pu faire. C'est vrai, je trouve que ouais, la fin est magistrale. Après, enfin, on suis avant le film a des problèmes, hein. T'as parlé des effets 3D, mais aussi, il y a aussi quelques trucs de rythme un peu pas ouf. Il y a quelques ventres mous et Puis le aussi. fait que ce soit une énorme redite du premier. Ouais, Voilà, la personne à sauver est le mais MacGuffin. en bête. Enfin, Et en c'est vraiment fait. ça qui. Et un peu pétard mouillé, c'est-à-dire que dans le 1, t'avais par exemple la séquence du ring de boxe, qui est très cool, je Qui trouve. est vraiment dingue. Surtout même, j'allais dire, Gavador, c'est pas un réalisateur d'action, et là, il s'en sort encore vraiment pas mal. C'est. Enfin, les scènes d'action de Carpenter, à part celle de Zaylive, la bataille de catch, là. Mais pour une Dans la autre. ruelle, là. Ouais, mais pour une autre raison que je détaillerai peut-être dans un épisode dédié, mais je trouve que celle-là est incroyable. Mais c'est vraiment un réalisateur où pendant les scènes d'action, tu vas te dire, waouh, ça, cette scène-là, culte. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais justement, la scène du basket Oh, dans celui-là. ça, c'est pas terrible. Ça, c'est. Voilà. Surtout, c'est. Enfin. C'est bête. Enfin, moi, enfin, c'est triste à dire, mais moi, ce qui m'est venu en tête, c'est Doomsday de Neil Marshall. Pas encore vu. Bah, Doomsday de Neil Marshall, c'est un film où, sur le papier, t'as tout pour me plaire. Sur le papier, c'est un post-apo punk, un espèce de mélange entre Mad Max et 28 jours plus tard, c'est complètement dingue et tout ça. Sur le papier, je trouve ça incroyable. Dans les faits, je trouve ça complètement indigeste et de très mauvais goût par moment parce que t'as des trucs que tu te dis, mais. C'est con, ça fonctionne pas. Et là, c'est parfois l'effet que ça m'a fait de. Ça devrait être incroyable. Genre, Los Angeles est complètement parti en couille, il y a un dictateur qui a pris le pouvoir, il n'y a plus aucune règle et tout ça. Ça devrait être dingue. Sauf que je trouve ça bête, en fait, par moment. C'est dommage. Après, c'est bête, mais ça va avec l'aspect plus fun et plus libéré, disons, de celui-là. Oui, mais New York se tenait mieux là-dessus. New York était plus concis dans sa description d'un monde qui est aux mains de gens qui ne sont, enfin, qui ont, selon le système, perdu tous leurs repères et qui donc sont dans une espèce de folie. Là, je trouve, honnêtement, il y a certains passages, enfin, tu as dit le basket, toute la scène, elle est longue. Hein. Enfin, la scène, elle dure 5-6 minutes facile et c'est vraiment pas terrible. Oh, manque ça quand même, Bah, moi, je l'ai ressenti long. Ah, globalement, il est de mettre 5 paniers, donc c'est pas non plus énorme. Mais Mais surtout, c'est bête. Enfin, moi, les allers-retours dans le terrain, et surtout à la fin, il te fait une espèce d'Alien 4 en mettant la balle depuis l'autre bout du terrain. Tu fais ouais, C'est ça. ok. Enfin, et surtout, c'est prévisible. Tu te dis jamais, ouais, il va pas y arriver. Ça. Mais bref, film compliqué, suite compliquée, fin magistrale. Et je touche rapidement un mot sur le troisième film qu'il devait y avoir. Alors, rapidement, juste, on n'a pas dit L'Antre de la Folie, où est-ce qu'il est dispo? L'Ordre de la Folie, édité en Blu-ray chez Metropolitan, si je ne m'abuse. Ouais, en DVD aussi, Oui. il se trouve facilement. Alors, il n'est pas dispo sur des plateformes. J'ai cherché, il est dispo sur aucune plateforme France ou US. Ok, Los Angeles et Los Angeles 2013. 2013, il a été édité en 2022 en Blu-ray et en DVD par la Paramount. Voilà. Pardon, en 4K et en Blu-ray. Et il est sur Paramount Plus. Oui. Voilà. Et alors, rapidement, je fais le lien avec la troisième suite, la deuxième suite qu'il devait y avoir, pour faire le lien avec ton premier film. Alors, à la base, il était question d'un Escape from the Earth, qui devait être le troisième opus de cette trilogie, où, alors, c'est des rumeurs assez solides, mais visiblement, la planète devait avoir été transformée en une espèce de planète zombie, et Kurt Russell devait, cette fois, enfin, Snake Plissken devait cette fois-ci s'enfuir de la Terre, quitter la planète finalement, pour échapper aux zombies. Comment faire? Sachant que tous les appareils sont déconnectés. Voilà, donc. Je sais, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus. Le film s'est finalement pas fait. Après, enfin, ce serait pas la première fois que Carpenter a un projet qui s'est pas fait. Je veux dire, entre son Dracula qu'il devait faire, je ne sais pas combien de films qu'il n'a pas pu réaliser. Mais bref, ça ne s'est pas fait. Roman, tu m'as dit que ce film faisait lien avec ton film. Peux-tu m'expliquer en quoi? Donc, le premier film dont je vais parler, c'est Ghost of Mars, Fantôme sur Mars au Québec. Putain. Merci aux Québécois. C'est quand même à eux qu'on doit la meilleure traduction de titre de l'épisode d'avant. C'était lequel déjà? C'était The Faculty, qui Oui, s'appelle Les les enseignants. enseignants, ça c'était pas mal ça. Bisous Ethan, ce film n'est pas nul. Donc Ghost of Mars. Donc c'est sorti le 24 août 2001 aux États-Unis, le 21 novembre 2001 en France. Mon année de naissance. Je suis fier. Tu peux. Donc, résumé, pompé sur IMDb, évidemment. En 2176, une unité de police martienne est envoyée chercher un criminel très dangereux dans un poste minier éloigné. À leur arrivée, les policiers constatent que le poste est devenu un charnier. Un endroit où on entasse les cadavres. Avec des sculptures métalliques bizarres. Mais très jolies, j'aime beaucoup. Donc, on est sur un film réalisé par Carpenter, écrit par Carpenter et Larry Sulkis, qui était aussi scénariste sur Le Village des Damnés et co-réalisateur de Body Bags. C'était le réalisateur du fil rouge, en fait. De Body Ouais, mais Bags. ce village des damnés. Enfin, vraiment, le village des damnés, pour moi, c'est le seul mauvais. Enfin, mauvais, je mets quand même quelques guillemets. Enfin, Carpenter, ça reste un putain de réal. Et à l'exception du dernier dont on va parler, il n'a rien fait de mauvais, mais le village des damnés. Ouais, non, si plus j'y réfléchis. Non, ce que j'ai dit ne tient pas. Le village des damnés, c'est pas bien. Je trouve ça vraiment pas terrible. En deçà de ce que ça aurait dû être, en fait. Ouais, puis je trouve que vraiment comparé aux deux originaux, surtout aux deux, les enfants des damnés, Oui, la saga avant qui c'est est. ça. Donc il y avait le village des damnés et les enfants des damnés. Les deux sont très cool, mais surtout les enfants. Vraiment, voyez les enfants des Et damnés. surtout, le village des damnés, le premier, vieillit infiniment moins mal que Carpenter. Après, dans mes souvenirs, t'as aussi des effets 3D un peu bizarres dans le village des damnés, donc Bah après, surtout, pas d'effets spéciaux qui ce fait. qui est bizarre, c'est que dans le village des damnés, enfin après, c'est typique des films de cette époque, mais le rythme, vraiment, c'est-à-dire que le film dure genre 1h15, le premier, et t'as, je pense, 50 minutes d'exposition. Oui, mais ça, c'était l'époque qui voulait ça aussi. Voilà, et t'as les monstres, enfin t'as les enfants du coup sur les dernières 20-25 minutes, ce qui est assez frustrant au final. Mais C'est pour ça que les enfants est beaucoup mieux, je trouve. ouais, mais pour le coup, le Carpenter, quand je disais qu'il vieillit mal, c'est que pour moi, t'as des effets spéciaux qui tiennent pas la route dans le Carpenter. Et surtout, je me rappelle d'un film qui passe complètement, non seulement à côté de son sujet, mais surtout à côté de la façon dont il aurait pu l'aborder. Je trouve que c'est un film qui est complètement raté. Enfin bref, Ghost of Mars. Ghost of Mars, donc voilà. Au casting, on retrouve l'actrice et mannequin Natasha Henstridge, qui a débuté sa carrière de mannequin à 14 ans. Et alors, à la base, ça devait être quelqu'un d'autre. Oui. Ça devait être la copine de Kurt Cobain. Bah du coup, qui est un qui était déjà mort à l'époque, mais Ouais. voilà, ça aurait dû être Courtney Love. Mais j'en parle, bon, je peux en Vas-y, parler maintenant si tu je veux. te laisse détailler. Non mais du coup, en gros, Courtney Love aurait dû jouer dans le film, mais elle a dû arrêter le film parce que l'ex de son copain de l'époque était venu lui écraser le pied avec sa voiture pendant qu'elle s'entraînait pour le film. Du coup, je sais que Natasha Henstridge a récupéré le rôle, je crois, genre une semaine avant. C'est pas elle qui joue Ouais. la mutante. Si justement, elle a débuté sa carrière d'actrice, vraiment son premier rôle au cinéma, c'est le rôle principal dans La Mutante, Qui est un film très sympathique, que j'ai pas encore vu. je sais pas si aujourd'hui il faut le revoir, mais j'en ai un souvenir très sympathique. Très Voilà. libidineux aussi. Donc au casting, on retrouve dans le rôle du prisonnier qui est venu chercher, à savoir Démolition. Désolation, Désolation, non, Léo. Désolation. Désolation, donc Ice Cube. Qui est un acteur inégal. Bah, On en parlait juste avant, c'est ça, mais. mais donc Ice Cube de base, membre historique de NWA. Hein. Rappeur excellent. Ça, c'est un peu comme Nas. bon rappeur, acteur fragile. Je t'avoue C'est. que j'ai vu aucun film avec Nas. Oh, t'as rien raté. Moi, j'avais vu Ticker avec Steven Seagal, qui un grand moment de cinéma. Mais Ice Cube, moi, j'aime bien dans Anaconda. Mais Peut-être qu'un jour on fera un épisode sur les rappeurs dans les films d'horreur. Oula! Oula! Tu veux pas plutôt faire un film grosse bébête et on parle d'Anaconda? Parce que rappeur dans les films d'horreur, ça risque d'être. Mais non, mais on peut parler d'Halloween Résurrection. Ça peut être un long moment de douleur. Hein. C'est. Oula, oula, oula, Non, mais techniquement, dès notre deuxième épisode, déjà, il y avait LL Cool J LL Cool dans. J dans Halloween 23. Ouais, et il y avait Usher dans The Faculty. C'est vrai. Mais bah, du coup, ça a cramé deux bons films. Enfin, un bon film et un film sur lequel je suis plus mitigé. Bref, il y a également un nom que j'attends que tu cites parce qu'il avait des cheveux à l'époque. Jason Statham. Alors, juste, sur Ice Cube 2 secondes, voyez les Jump Street. Parce que Fiddler et Chris Miller sont des putains de génies, voyez les Jump Street. Ils sont très forts, mais vous n'êtes pas obligés. Ouais, bref, Jason Statham qui a Jason des Statham, cheveux. donc, qui avait des cheveux à l'époque, donc Jason Statham, qui à cette époque-là avait déjà joué dans les deux premiers Richie, donc Anacreon Botanique et Snatch. Ouais. Ouais. Si c'est les deux premiers, je me C'est trompe pas. les deux Voilà. premiers. Et qui a joué dans son dernier, à savoir Un homme en colère, Ouais. qui est très bon, je trouve, le remake du Convoyeur de Moukrieff. Que moi, je suis plus mitigé. Je suis mitigé sur Richie en général. Enfin, pas sur sa première partie de carrière, mais sur ses derniers. Mais là, c'est Jason Statham qui fait du Jason Statham. Ça passe. Voilà. Je dis Jason Statham. Voilà, donc également acteur phare de la saga Fast and Furious depuis le 6. Ouais, le 6, ouais. Où Il il était pas dans est. le 5 déjà? Non, il Non, est. c'est dans le 6 hein, qu'il arrive. Dans le 6, il apparaît et c'est le méchant du 7. Et c'est le méchant du 7, exactement. Voilà, et ce spin-off incroyable qui est Hobbs & Shaw, le meilleur de la saga, à mon sens. Pour moi, son meilleur film, c'est, et ça restera, Hypertension. Le 1, un peu plus mitigé sur le 2, mais le 1, je trouve ça incroyable. Voilà, justement, donc les Hypertensions, la trilogie Transporteur, les Expendables, La trilogie Transporter, ça c'est oublié. C'est horrible. Et Spy, Oh. il a une réplique incroyable. La réplique sur. Quand il parle de pourquoi il est un super espion. Mais on Vas-y. vous en dit pas plus, on vous Ah. laissera aller voir le film pour. Vous cherchez juste. Enfin, vous voyez le film et quand il commence à expliquer pourquoi lui c'est un super espion, la réplique dure 1 minute ou 2 et vous savez que c'est la meilleure scène du film de très loin. En eau trouble et King Rising de Webull. Oh putain. Il joue dans le premier, ouais. Et donc, on a aussi Cléa Duval au casting, donc je vais pas vous faire sa fiche, je vous renvoie à l'épisode précédent sur The Faculty. Oui. Voilà. C'était elle qui jouait la lesbienne, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais. Pam Grier, donc Enfin, figure. lesbienne. L'hétéro qui se faisait passer pour lesbienne. C'est ça, mais l'actrice est lesbienne dans la vraie vie. Ce qui est toujours encore plus Voilà. drôle. Et donc, Pam Grier, donc une figure historique de la Blaxploitation, vu qu'on l'a vu dans Coffee, la panthère noire de Harlem, ou Foxy Excellent film. Brown, Excellent film. et qui est aussi dans SF Romelet. Ah oui, bah oui, elle joue Le le pote trans, du coup, ouais. La trans, parce de que. transgenre, ouais, de l'ami de Snake Plissken. Ouais. Et qui est la Jackie Brown du film éponyme de Tarantino. Qui est une actrice assez magistrale, et c'est, si je dis pas de bêtises, c'est elle ou c'est Cléa Duval qui voulait pas un rôle de lesbienne dans une société matriarcale. J'ai vu une anecdote comme ça. Ah, je sais pas. Parce qu'en gros, bah, tu vas parler du synopsis du film. Je l'ai Oui, ça vite te fait fait rigueur. évoquer. Mais donc ça se passe sur Mars, donc au 22e siècle. Dans une société C'est matriarcale. ça. Donc dirigé par le matriarcat, et qui est à la fois un mode de vie comme la société l'est avec le patriarcat, mais aussi une institution. C'est-à-dire que tu es protégé, littéralement, c'est ce que dit Ice Cube. C'est que il dit à l'héroïne, toi, si tu veux une connerie, t'as le matriarcat qui te protège. Donc c'est à la fois une société et à la fois une sorte d'institution. L'institution à nouveau, ouais. Et donc c'est, par exemple, on suit des policiers, mi-policiers, mi-militaires, j'ai l'impression, et les chefs sont des femmes, et Statham, c'est un sous-fifre dans le truc. Alors, anecdote là-dessus, j'avais vu que Carpenter n'avait pas forcément conscience de faire un message sur ça, il s'était juste dit ça n'a jamais été fait avant. En revanche, preuve d'un génie, enfin preuve de génie si l'on est besoin d'encore une chez Carpenter, bah, du coup le film a d'autant plus d'écho avec l'actualité aujourd'hui. Enfin, même si, heureusement qu'il a ça pour se défendre, on va dire ça comme ça, parce qu'il a d'autres trucs où il a un peu vieilli quand même. Genre, je sais pas, à tout hasard, la relation entre Jason Statham et Natasha Henstridge qui est pas du tout forcée. Qui est pas du tout forcée. Il y a cette réplique magistrale, c'est Satam est vraiment un gros lourdeau avec sa Ce qui lui supérieure, va très bien. ce qui lui va très Ce qui bien, lui va très très bien. il le joue très bien, et On t'as. l'aime beaucoup, hein, c'est juste que ses rôles sont plus habitués à des rôles de gros Voilà. lourds. Et t'as Henstridge qui lui dit, Je coucherai avec vous si vous étiez le dernier homme sur Terre, mais on n'est pas sur Terre. Malheureusement, on n'est pas sur Terre. C'est magistral. Et donc, est-ce que t'as parlé de qui fait la musique du film et la photo? Alors justement, donc, je vais en parler donc, à la prod, juste on a Sandy King, donc la femme de Carpenter à l'époque et qui est toujours aujourd'hui, ouais, qui dirige la société Storm King. Voilà. Mmh. À la photo, donc on a, donc comme on l'avait dit, Gary Bekib. Et là, pour moi, c'est la photo, elle est vraiment pas belle. Hein. C'est-à-dire, c'est un filtre rouge par défaut et je trouve la photo vraiment pas belle. Et à la musique, on a John Carpenter et on a des chansons de Anthrax et de Buckethead, le guitariste des Guns N' Roses. Qui était guitariste, mais qui est surtout connu pour sa carrière solo et pour te faire des morceaux complètement improbables qui va avec son style. Il y a Anthrax. Oui. Et toi, Ghost of Mars, c'est comment? Tu l'avais jamais vu et je sais que le film a tendance à être réhabilité parce que beaucoup de Carpenter se font réhabiliter avec le temps. Ouais. The Ward sera peut-être réhabilité un jour, qui sait? Surprise, non. J'espère pas. Hein. Et le 2 Pro-Life, pour le outer tout de suite, j'espère pas non plus. Mais celui-là commence à avoir des gros fans quand même qui le mettent en avant. Et j'ai même vu des classements le mettre dans les 3 meilleurs Carpenter. Pour toi, qu'en est-il? Je vais pas aller jusque-là. Je vais pas aller jusque-là. Pour moi, Ghost of Mars, c'est un bon délire régressif. Voilà, je peux pas mon plaisir devant, c'est-à-dire que c'est complètement con, ça le stat, c'est-à-dire que Carpenter, il a avoué dans une interview en 2011 avoir voulu rendre le film le plus over the top et divertissant possible, en s'inspirant, il a cité notamment comme exemple Commando, Rambo 2 et Predator. Ça se voit. Mais donc, c'est complètement débile. En même temps, il y a Ice Cube et Statham réunis, donc ça peut pas être intelligent. Ouais, tu te doutais bien que le coltard intellectuel, t'allais pas faire The Social Network. Hein, mais voilà, c'est quand même. Je trouve ça vraiment, vraiment fun à voir. C'est débile, mais ça y va à fond, quoi. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais. Bah, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Et je trouve ça à la fois assez réjouissant. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est purement régressif, c'est purement assumé, c'est une grosse bisserie. En même temps, assez dommage, parce que le film pourrait être, je pense, beaucoup plus, peut-être devrait être beaucoup plus, mais là où il a une structure qui reprend un petit peu l'entre de la folie, c'est-à-dire qu'on démarre avec Natasha Henstridge, qui est dans un procès. C'est pas vraiment un procès, c'est une cour martiale. C'est plutôt, pour l'instant, on lui dit que c'est juste un rapport de mission. Oui, pardon, rapport de mission. Où justement, elle est protégée par le matriarcat. Elle va raconter les événements qui sont arrivés lors d'une mission précédente. Et ça pourrait du coup être un truc assez intéressant sur comment ça s'est passé, un espèce de jeu de perception ou autre. Mais rapidement, on comprend que non. C'est-à-dire que rapidement, on comprend que ce que Carpenter veut faire, c'est une adaptation officieuse de Doom. Alors, avec des méchants très cool, je pense au look de Big Daddy qui est vachement sympa, l'espèce de truc à tête blanche avec des cheveux et tout ça. Ouais, alors fun fact d'ailleurs, la prothèse était pas à sa taille, ce qui fait qu'il pouvait pas parler bien, ce qui fait qu'en fait la langue des fantômes se limite à des « ah ». Ce qui s'entend dans le film. Mais donc, on se retrouve avec un film qui est très bête, qui est très limité. Alors maintenant, pour moi, justement, sa limite, c'est que l'action est mise en scène de façon très fonctionnelle et ne va jamais plus loin que filmer les gunfights, sans grand génie pour le coup dans la mise en scène des combats. Ce qui est dommage, je trouve, parce que l'univers avait l'air sympa. Le fait qu'ils aient réussi à terraformer Mars, pourquoi pas, mais le film va pas bien loin. C'est vraiment ce que je reproche, c'est que quasiment tous les Carpenters, j'arrive à voir quelque chose derrière. J'arrive à me dire, ouais, il fait ça, mais il y a un truc. Los Angeles 2013, c'est raté. Mais tu vois que derrière, il y a un vrai nihilisme et un vrai ressenti sur la société, sur le monde qui l'entourait à l'époque. Là, je vois pas grand-chose. Je vois juste... Ouais, tu dis, c'est quelque chose d'extrêmement régressif, où je sais même pas dans quelle mesure est-ce qu'il s'est dit « je vais faire le film bête ». Et pour le coup, il s'inspire de Commando, il s'inspire de Rambo 2, je pense qu'il s'inspire surtout de Rambo 2 dans le côté « on aime les guns ». On aime les guns. Jason Statham avait pas encore cette figure de gros bourrin lourdeau à l'époque, mais je pense que s'il y a un remake du film aujourd'hui qui doit avoir lieu, on peut le recaster sans trop de problèmes. Et moi, c'est vraiment ça ma grande limite avec le film, ça et le jeu d'Ice Cube, qui est neurasthénique, en tout cas en VO, qui a l'air d'en avoir pas rien à foutre, mais qui fait du Ice Cube, du coup il fait... qui a sa tête de vénère, quoi, qui a ses sourcils froncés pendant tout le film. Voilà, c'est globalement... Moi, ça me déplaît pas parce que j'aime Ice Cube comme ça dans Jump Street, par exemple, et... Je parle pas assez de Jump Street. Faudra le Jump Street. Oui, mais tu vois, moi pour le coup, pendant tout film, je me dis, mais putain, mais donnez-lui, je sais pas, une palette d'émotions, quelque chose. Surtout qu'à la fin, il réapparaît dans le climax, justement, en mode, hey, t'as vu le respect entre nous et tout ça. Je suis en mode, mais putain, mais arrête, arrête de froncer les sourcils, j'en pouvais plus. Mais non, enfin, Ghost of Mars, c'est pas désagréable, mais c'est vraiment un film où quand je le vois, je me dis, ouais, C'est un film. c'est bête et tout. Los Angeles 2013 est bête. Mais au moins une charge politique extrêmement forte et un cadre de production qui explique ça, là, je me dis, bon, c'est juste régressif et je trouve ça dommage venant de Carpenter, en fait. C'est ça mon problème, c'est que venant de Carpenter, j'aurais aimé quelque chose de peut-être plus amer, plus acide, plus fou. Ce que je n'ai pas eu avec Ghost of Mars. La musique est très cool. La musique, moi, je sauve ça, la musique est vraiment chouette. Oui. Mais tout comme t'as cette espèce de composition incroyable pour l'ombre de la folie. Oui, avec des grosses guitares, c'est vraiment génial. Mais c'est pour ça que c'est mon problème avec Ghost of Mars, c'est que ça pourrait être plus, ça pourrait être peut-être, ça pourrait être autre chose, mais c'est rien, à l'exception peut-être, je viens d'y penser aussi, que c'est son film le plus western, avec Vampire. Ouais. Parce qu'il y a le cas de l'espèce de désert Vampire, rougeâtre. Vampire est beaucoup plus, je trouve. Oui, Vampire l'est beaucoup plus, mais le Vampire se passe sur Terre, et il se passe quasiment que dans des déserts. Oui. Enfin, la fin de Vampire, c'est quand même compliqué de voir autre chose qu'un Sergio Leone. Là où Ghost of Mars, c'est un film de vampire, enfin c'est un film de western qui se passe dans l'espace. Et ce qui est amusant aussi, c'est que son premier film Dark Star se passait dans l'espace, son long métrage. Son dernier long métrage avant, on va plus en parler parce que The Ward, c'est pas un Carpenter. Se passe dans l'espace, la boucle est bouclée en quelque sorte finalement. Et alors, tu l'as dit, le Blu-ray est dur à trouver. Le Blu-ray est dur à trouver. C'est-à-dire qu'il a été édité, je sais même plus par qui. Mais c'est-à-dire que sur Amazon, si vous voulez le choper d'occasion, il est à 50 euros et 9 à 150. Eh bien, ouais, c'est les Blu-ray qui n'ont pas, il n'a pas été réédité depuis, ça C'est explique ça. peut-être Par certains. contre, il y a deux Blu-ray US, dont un, donc le plus vieux Blu-ray US, est lisible partout et a une VF. Par contre, faut compter 20 $ à l'achat sans compter les frais de port. Mais Ça reste toujours plus accessible que. Potentiellement plus accessible que que le Blu-ray français. le Blu-ray français. J'ai quelques petites anecdotes Vas-y, à la vas-y. volée, justement. Donc, Carpenter a fait un burn-out après le film. Et il a décidé de quitter le studio et il rejoint sa décision que 9 ans plus tard pour The Ward. Bah, il a fait les Masters of Horror, mais Ouais, mais c'est pas les gros studios, bah, le c'est. contexte de production n'est pas le même, je vais en parler juste après. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, Natasha Henstridge n'était pas le premier choix, donc c'était Courtney Love. Et j'ai expliqué pourquoi. Mais il y a d'autres actrices aussi qui ont été envisagées, notamment Michelle Yeoh. Oh, ça aurait été bien. Ça aurait été si bien. En plus, Michelle Yeoh, à l'époque. Oh, ça aurait vraiment été bien. Ça aurait vraiment été très très On est. bien. Donc, faut savoir aussi que c'est le producteur de musique Bruce Robb qui a ramené Anthrax sur le film, mais c'était pas le premier choix de Carpenter pour la BO. Sachant que Carpenter, alors sûrement on parlera de ça en conclusion, mais c'est un geek. C'est-à-dire que c'est un gros zikos. Enfin, je pense que ça, c'est plus à démontrer. Par zikos, c'est vraiment, il aime les synthés, il aime les guitares. Ça c'est sûr. Et c'est aussi un gros joueur de jeux vidéo. Genre, gros, gros. Est-ce qu'on parle peut-être de la dernière news en date sur Carpenter? À À la la fin. fin. Sachant que c'est encore à l'état de rumeur, c'est compliqué. C'est pas un scoop, hein, on n'a pas d'exclusivité. On fera ça lors de l'épilogue. Mais donc à la base, le premier choix de Carpenter, c'était Metallica. Ce qui aurait été tout aussi bien. Surtout que Metallica. Ah ouais, non, non, je retire ce que je viens de dire, parce que Metallica, années 2000, c'était après. C'était compliqué, parce que c'était après Load et Reload, qui sont deux albums que je trouve pas incroyables. Ils sont sympas, mais voilà. Et c'était surtout après le putain de Saint Anger, qui est un album mais qui est horrible, qui est horrible, qui est inaudible, mais surtout à cause de Lars Ulrich, mais en même temps, enfin. Lars Ulrich, je sais pas, j'ai toujours dit Lars Ulrich. Lars Ulrich, c'est un connard, c'est pas nouveau. Mais bref, tu as fini sur Ghost of Mars? J'ai quelques trucs encore. Vas-y, Donc la prod a disserté pendant une semaine à cause de Natasha Henstridge. Parce qu'elle a fait un burn-out, encore un à cause du film. putain, c'est déjà compliqué quand même le film là. Parce que en fait, elle avait déjà enchaîné deux tournages avant ça. Et en fait, je pense qu'elle a eu zéro temps de repos, je pense. Et parce Ah, la pauvre. qu'elle a, comme on l'a dit, elle a dû remplacer Courtney Love au pied levé. D'autant plus que le tournage, alors j'ai pas vu de making of, mais ça avait l'air physique, hein. Ouais. Genre ça saute. À nouveau, je pense que ce sera aussi une phrase de conclusion sur le film. Imaginez un film d'action bête et tout ce que vous pouvez imaginer d'un film d'action, mais pour le coup là il est pas en avance, il est en retard. Genre un film d'action de milieu 80 qui se passe sur Mars, c'est ce film. Donc en 2006, Ice Cube a déclaré que c'était le pire film dans lequel il était apparu. C'est salaud de sa part de dire ça quand même, parce qu'il a vraiment du dossier Ice Cube. Hein, Et donc, enfin, on va boucler la boucle avec Escape from LA. À la base, le film aurait dû être la suite au Escape, mais Paramount a refusé. ça aurait dû être Escape from Earth. C'est ça. Mais Paramount a refusé. Donc c'est eux qui avaient les droits de la série Escape, vu que c'est eux qui avaient produit Escape from LA. À cause justement du bide de Escape from LA. Honnêtement, c'est vache de leur part. Parce que, enfin, c'est. Comment dire? Au lieu d'avoir une suite à peu près cohérente, ils se retrouvent avec un film complètement bâtard. Surtout Ghost of Mars, il a marché ou pas? Je dis ça juste après. Mais Vas-y. donc, ça aurait dû être Kurt Russell dans le rôle de Désolation. Si seulement! Si seulement! Et donc Ghost of Mars, et ben niveau thunes, Ghost of Mars, c'est 28 millions de budget, c'est 14 millions de recettes sur le sol américain. Aïe! Et en France, c'est 400 000 entrées. Ouais, mais c'est surtout le seul américain qui va compter pour eux, donc c'est. Ouais. Ah, ça fait mal. Mais bref, donc on passe à la suite. On passe à la suite. Alors, j'introduis rapidement le concept. Car dans le milieu des années 2000, alors les années 2000 en termes d'horreur, alors je suis loin d'être un expert dans l'horreur des années 2000, mais c'est quelque chose d'assez pauvre. C'est-à-dire que, globalement, la mode est au torture porn Et à une autre chose aussi. et au found footage. Et au remake, surtout. Ouais, torture porn, remake, found footage, mais globalement ça tourne un peu en rond. C'est-à-dire que le torture porn, bah, le concept, il arrive vite, il tourne vite en rond. Le found footage, il tourne encore plus vite en rond. Et le remake, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose à remaker, mais il y a un manque clair, on va dire, d'inspiration et d'idées. Surtout, à ce moment-là, on n'est pas encore dans la vague. C'est-à-dire que là, quand la série débute en 2005, on est avant Paranormal Activity. On est un an après Saw 1, je crois, mais Saw 1, c'est pas non plus du gros torture porn. Oui, non, Saw 1, je suis même limité de, j'ai même limite envie de pas te le mettre dans le Non, torture c'est pas porn. torture porn, mais donc on est avant Saw 2, on est la même année que Saw 2, on est avant Hostel encore, donc le torture porn, c'est pas encore tout à fait ça, le fan footage. Bah, comme je t'ai dit, on est avant Paranormal Activity. Voilà, donc c'est une année un peu bâtard. Donc c'est surtout les remakes là, quand la série débute, ça fait 2 ans que la vague de remakes a commencé avec Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc c'est un truc un peu bâtard, et en fait, un soir, Mick Garris invite, lors d'un dîner très informel, plusieurs personnes. Il va donc inviter, il me semble qu'il y avait Carpenter, il y avait John Landis, il me semble qu'il y avait Tom Holland aussi dedans. Bref, tous ces copains qui ont fait des films d'horreur, et ils décident tous ensemble, à l'initiative de Mick Garris, de faire une espèce de dernier tour de piste. Et de créer chacun un court moyen-métrage d'1 heure format grand max, pour réaliser un film d'horreur. 1 heure, un film d'horreur, aucune limite. C'est-à-dire que t'as un budget, pas celui que tu veux, mais t'as un budget solide. T'as pas de limitation en termes de ce que tu peux montrer. Par ailleurs, Takashi Miike, on va pas détailler son segment, mais il est répugnant et lui n'a pas pu être montré parce que il s'est dit qu'est-ce qu'ils aiment pas trop les Américains, l'avortement. Ah, donc il n'a Voilà. jamais été diffusé à la télé américaine, Jamais ça. diffusé à la télé Par contre, américaine. il est dans les éditions physiques, Voilà. françaises comme américaines. Et donc, lors de cette première saison de cette série Masters of Horror, les maîtres de l'horreur, plusieurs réalisateurs sont derrière. On a Dario Argento, on a Takashi Miike. Ce qui est bien en fait, c'est-à-dire que Mick Garris n'est pas resté américain, très américain, il est aussi allé en Europe. Donc il y a John Carpenter, il y a John Landis, il y a Don Coscarelli. Mais malheureusement, cette série aura été un échec. Alors, en termes d'audience, il me semble pas, il me semble que ça a été plutôt solide, mais il y a eu une deuxième saison, enfin suffisamment pour qu'il y ait une deuxième saison. Mais en termes de réception critique, ça a été vraiment pas terrible. C'est-à-dire que le premier, ça allait, c'est celui de Don Coscarelli, ça va. Il n'est pas incroyable, mais ça va. Mais plus la série allait, plus on se disait, c'est compliqué quand même. On se disait, je ne l'ai pas vécu, mais c'est ce que les gens s'accordaient à dire. Et c'est lors de l'épisode 4, donc c'est l'épisode nommé Jennifer, qui est réalisé par Dario Argento, que ça y est, on s'est dit, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et en l'occurrence, Carpenter réalise l'épisode 5, la fin absolue du monde, et je te laisse nous en parler. Alors, la fin absolue du monde, donc. Alors, je vais juste revenir vite fait sur la diffusion de Master of Horror. Donc, Master of Horror s'est diffusé aux États-Unis donc la saison 1, entre le 28 octobre 2005 et le 26 janvier 2006 sur Showtime. Et en France, la diffusion est un bordel! Ouais, la diffusion, c'est pas ce que tu dis, c'est Canal+, Énergie Voilà, Télévision. c'est-à-dire que Canal+ va diffuser 2 épisodes par semaine, donc les deux le même soir. Ils vont faire ça sur 8 épisodes. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir les épisodes 6 et 8 le premier soir, donc le Carpenter le premier soir, en l'occurrence. Puis une semaine après, les épisodes 1 et 9, puis après les 2 et 3, et après les 10 et 11. Après, c'est une série d'anthologie, donc c'est pas trop compliqué de voir ça dans le mauvais ordre, mais là, ça témoigne de, du bordel que c'est devenu pour Voilà, la et en gestion. parallèle, entre les diffusions des épisodes 2 et 3 et les celles des 1 et 10, il y a Énergie 12 qui va diffuser l'épisode 4. Voilà, et ensuite, on fait un saut dans le temps de 2 ans pour qu'Énergie 12 diffuse les épisodes 7, 12, 5 et 3. On ne les Non. remercie pas. Voilà. Donc clairement, c'est un bordel. Donc voilà, ça s'est joué entre Canal+ et Énergie 12 pour la diffusion française. Et j'y pense juste après, pour faire un point rapide sur la saison 2, parce qu'on va essayer de faire les deux à peu près d'un même coup. La saison 2, donc, a été faite rapidement après. À savoir que la saison 2, les noms sont beaucoup moins prestigieux quand même, hein. Alors, juste la saison 2, donc diffusion du 27 octobre 2006 au 2 février 2007, toujours sur Showtime. Alors, la saison 2, on va en parler lorsqu'on fera le Carpenter, mais tout le monde s'est mis d'accord, ils se sont tous serrés la main, ils ont fait, on va faire des trucs dégueulasses, souvent très gore, très méchants, mais très nuls. Mais vraiment, la saison 2, c'est un calvaire, il n'y a rien à sauver. Après, il y aura une saison 3 qui s'appelle Fear Itself, mais qui est pas Masters of Horror, déjà parce qu'il n'y a plus de Masters, en fait, enfin, il n'y en a plus beaucoup, en tout cas. Et ça s'est vraiment cassé la gueule, et notamment, enfin, d'autant plus que Fear Itself, c'était diffusé en chaîne publique, donc ça ne pouvait pas avoir trop de scènes gore, trop de scènes immorales. Bref. Masters of Horror, c'est 2 saisons, c'est au global une déception. Cigarette Burns, Roman. L'épisode 5 de la première saison, Carpenter. L'épisode 8. Épisode 8, pardon, j'ai dit des bêtises en Pour disant que live, c'était c'est le l'épisode 5 de 5. la saison 2. Mais Voilà. Et donc l'épisode 8, peut-être le dernier tour de piste de Carpenter avant la chute. voilà, donc l'épisode 8, donc, il est diffusé le 16 décembre 2005 sur Showtime et le 17 novembre 2006 sur Canal+. Ça, donc, comme j'ai dit, le premier soir de diffusion de la série en France. Donc là, le résumé. Avec un passé morbide qui le hante, un propriétaire de salle de cinéma, donc endetté à hauteur de quand même 200 000 dollars, c'est pas rien. Joué de façon neurasthénique par Norman Reedus. Voilà, est embauché pour rechercher la seule copie existante d'un film notoirement connu pour avoir rendu fou tous les spectateurs lors de sa seule projection en festival, au festival de Sitges, si je ne m'abuse, Ouais. à savoir la fin absolue du monde. Ou comme ils le disent avec l'accent, la fin absolue du monde. Ils le disent tous avec l'accent, c'est fabuleux. J'aurais dû le voir en vue, rien pour l'accent allemand du Dokir Ah qui oui, essaye de non. parler en français. Là, pour le coup, celui-là, ça va, c'est vraiment Norman Reedus qui répète le nom du film toutes les 10 minutes. Du coup, au bout d'un moment, ça rentre la fin absolue du monde. Donc c'est réalisé par Carpenter. Au scénario, donc, on retrouve Mick Garris. Donc Mick Garris, il a commencé sa carrière en tant que réal de making of, notamment du making of des Goonies. Puis il a eu sa carrière de réalisateur, donc Critters 2, Psychose 4, La Nuit Déchirée, un épisode des Contes de la Crypte. Il a fait les mini-séries, donc trois mini-séries d'Adapted King, à savoir Shining, Le Fléau et Sac d'Os. C'est le chef de file des adaptations pas ouf de Stephen King. Voilà. Et un segment de Nightmare Cinema. Ouais, son segment. Non, il est pas bon son segment. Il a un segment et il a le fil rouge. Ouais, c'est pas bon. Je crois que son segment c'est du piano, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, je t'avoue. Et donc, on retrouve deux autres scénaristes, à savoir Drew McQueenie et Rebecca Swan. Drew est un homme, comme son nom ne l'indique pas. Et donc, les scénaristes avouent s'être inspirés de trois choses, à savoir L'Homme de la Folie, Stephen King et Lovecraft. L'Homme de la Folie s'inspirant déjà de Stephen King et Lovecraft. Ouais, parce que Sutter Kane, c'est un mélange des deux en fait. Enfin, Voilà. Stephen King est nommé dans L'Homme de la Folie. Oui. On dit que Sutter Kane le surpasse largement en termes de vente et que. Voilà. Bref. Anecdote aussi, je pensais rapidement. Lors d'une interview pour le press tour européen ou français, voilà, de Carpenter pour L'Homme de la Folie, un journaliste lui demande, mais donc Sutter Kane, c'est Lovecraft? Et Carpenter, il fait, mais merci, putain, je sors du press tour américain et tous ces débiles arrêtaient pas de me dire c'est Stephen King, mais non, c'est Lovecraft, point. Voilà, c'est amusant. Donc au cast, on retrouve, donc tu l'as dit, Norman Reedus, donc, qui est en un mot commençant Daryl dans The Walking Dead, mais qui a aussi joué dans deux Del Toro, à savoir Mimic et Blade 2. Ouais, c'est bah, surtout dans Blade 2 que je le retiens parce que Mimic, il a un rôle assez petit dans les séries. Ouais, que j'ai pas encore vu. On retrouve Colin Fou aussi, qui est l'espèce de majordome du Dokir, voilà, qui a pas joué dans grand-chose. Mais du coup, on retrouve Udo Kier, immense acteur allemand. Colossal, Je quand te même. laisse, tu connais mieux le cinéma allemand que moi. Bah, Udo Kier, c'est quelqu'un qui a une carrière assez, vraiment longue comme le bras. C'est compliqué de résumer à quelques rôles là comme ça. Il a joué chez Lars von Trier, il a joué dans Dancer in the Dark, il a joué dans Dogville, Nymphomaniac. Nymphomaniac. Il me semble qu'il a joué dans Melancholia aussi. Je suis même quasiment sûr. Il a joué dans Suspiria aussi, de Argento. Enfin, c'est un acteur immense. Il a aussi joué dans L'Ombre du Vampire. Je crois que c'est ça avec Willem Dafoe, qui est un film de vampire assez dingue d'ailleurs. C'est pas le film qui retrace la fabrication de Nosferatu, justement? Si. Ok, j'ai pas encore vu. Vraiment, c'est un immense acteur qui, bon, il a aussi fini chez Uwe Boll. Ça, c'est compliqué. Il me semble qu'il a joué dans Blood Rain, tu vois. Je crois que c'est ça, ouais. Mais Et il a joué Hitler dans Iron Sky 2. Hitler reptilien sur un T-Rex. Vous voyez ça? Et les gens qui voient ce film se disent que c'est. Enfin, les gens qui font ce film se disent que c'est drôle. Putain. Mais Udo Kier, acteur immense, carrière immense. Vraiment, c'est un grand nom. C'est un très, très, très grand nom. Voilà. On a aussi Christopher Redman et Zara Taylor qui n'ont pas joué dans grand-chose. Et on a Chris Gauthier qui a joué dans Freddy contre Jason et Watchmen. On retient. Voilà. À la photo, on a Attila Saleh, Szalay, qui a été chef-op sur 12 épisodes de Master of Horror et sur 2 épisodes de Ozark. Je m'en rends compte. Qui est une très bonne série, qui est une très très bonne série. Après, la Voilà. photo de Masters of Horror, ça fait très télé, hein, ça, Voilà. c'est... Et à la musique, on retrouve Cody Carpenter, Le fils donc de John. le fils de John, pour sa première composition, d'ailleurs. Et après ça, il collaborera avec son père sur la dernière trilogie Halloween ou sur Firestarter. Voilà. Et donc, toi, Corentin, qu'est-ce que tu penses de la forme absolue du monde? Alors, la fin absolue du monde, d'un côté, je vois des vraies qualités. C'est-à-dire que c'est un retour de Carpenter à quelque chose qu'il sait faire, à savoir l'ambiance. Une espèce d'ambiance extrêmement lourde, extrêmement intrigante, un retour des thématiques de Lovecraft avec ce film qui, à sa simple vision, rend fou. Avec, qui est, je trouve surtout le format d'1 heure aide, parce que le format d'1 heure évite les quelques longueurs. Maintenant, pour moi, le film a quand même trois défauts majeurs, quatre, trois et demi. Numéro 1, c'est que je trouve qu'il se base énormément sur des dialogues. Il se base énormément sur des échanges de dialogues au lieu de montrer, au lieu de se dérouler par l'action. C'est le schéma du film, c'est vraiment Norman Reedus va à un point, parle à quelqu'un, qu'il renvoie vers quelqu'un d'autre, qui parle à il parle à cette personne. Et peut-être que le format 1 heure ne permet pas peut-être de montrer par la mise en scène, Bah ne justement, permet pas de je prendre suis le temps pas d'exposer. forcément d'accord parce que là, c'est vraiment assez ostentatoire. Là où, par exemple, le Coscarelli, qui fonctionne beaucoup mieux, t'as pas tant que ça de dialogue dans le Coscarelli, et tu arrives à plutôt bien comprendre. Après, Coscarelli, c'est un... il est spécialiste là-dedans, entre guillemets. Et là, je trouve ça vraiment dommage que le script soit aussi simple, entre guillemets. Mon deuxième problème, c'est pour moi un truc que je ne comprends pas, c'est que là où dans L'Antre-de-la-Folie, il ne va pas te montrer le livre, il va pas te montrer le contenu du livre, ou alors c'est vraiment des flashs que tu peux pas lire. Là, il va te montrer le film. Enfin, il va te montrer des extraits du film, je ne comprends pas cette décision. Je ne comprends pas, d'autant plus que les extraits, c'est ouais, un film underground allemand, c'est du Marianne Dora, quoi. Donc, enfin, je suis à deux doigts de dire que c'est nul à chier, mais c'est juste, je comprends pas, je trouve ça. Je pense que le film aurait été beaucoup plus percutant s'il n'avait pas montré cet extrait-là. C'est vrai. Et troisième problème que j'ai, c'est que je trouve que malgré la qualité générale du métrage qui surpasse quand même les autres de la première saison, la fin, je me dis, c'est quand même pas grand-chose, en fait. Je trouve la fin retombe un peu à plat comme un soufflet. Et Norman Reedus n'aide pas vraiment pas. Je trouve que Norman Reedus, pendant tout le film, j'ai envie de lui mettre une claque et de le réveiller. T'as toujours l'impression qu'il fait ouais. Qu'il est complètement. Tu vois la tête de Ben Stiller dans Zoolander? Bah, c'est un peu la tête qu'il fait dans le film. C'est genre le. Oui. C'est ça. Et c'est mon problème avec le film. Maintenant, le film a quand même une ambiance vraiment particulière. Carpenter arrive toujours à toujours des éclats de génie. Et il a quand même des effets gore bien. Bien méchant, hein. À la fin, t'as quand même. Ah, Udo Kier, son effet gore, il est. Pique un peu quand même, hein. C'est un peu dégueulasse. Donc, ça se trouve que c'est. Pour moi, c'est le dernier vrai bon film de Carpenter. Tu vois, Ghost of Mars, j'étais plus réservé, mais ça se tenait encore un peu. Là, c'est au-dessus de Ghost of Mars, ça se tient vraiment bien, et c'est le dernier truc qu'il aura fait de consistant, on va dire. Après, le seul truc aussi où je suis pas sûr, c'est le fond du film, mais je sais pas s'il voulait spécialement s'en encombrer. Donc voilà, Cigarette Burns, c'était plutôt agréable à revoir. T'as vraiment une mise en scène qui est extrêmement bien vue, extrêmement pertinente, je pense notamment au sens du montage, avec parfois des coupes extrêmement rapides, qui te mettent qui accompagnent le personnage de Norman Reedus, qui va descendre dans cette espèce de folie due à sa quête du film, et l'usage des brûleurs de cigarettes sur la pellicule Oui. qui accompagne ça. Maintenant, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même pas grand-chose. Enfin, je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Je pense que Carpenter l'aurait fait à l'époque de L'Antre de la Folie, il l'aurait pas fait, il l'aurait pas fait, il ne l'aurait pas fait comme ça. Les agences. Voilà. Et toi, il me semble que t'as un peu plus apprécié que moi. Alors, pour le coup, j'ai vraiment adoré la fin absolue du monde. C'est-à-dire que je m'attendais à vraiment rien en le lançant. Ouais, je te l'avais pas bien vendu. Hein. Enfin, les Masters of Horror, vaut mieux y aller en se disant. Voilà. Enfin, sauf le Mickey. Le Mickey, mais vaut mieux y aller en se disant, au pire, c'est nul, plutôt que d'y aller en ayant beaucoup d'attentes, parce que, voilà, c'est Voilà, pas. donc, je m'attendais à rien en le lançant. Et dès la scène d'intro chez Udo Kier qui demande Alain Madredeus de trouver la copie. Dès ça, j'étais embarqué dedans. Et il y a cette espèce de folie ambiante, notamment avec les brûleurs de cigarettes. Il y a ce côté Lovecraftien, tu trouves qu'il n'est pas trop présent, mais je trouve que le simple fait de chercher le film, le simple fait de penser à trouver le film, C'est une démarche très te fait Lovecraftienne, déjà, cette quête de l'inconnu, te fait justement. déjà rentrer un pied dans la folie. Bah, moi, ce que je veux dire dans l'espèce d'abandon de côté Lovecraft, c'est le fait de montrer, en fait. Parce que là où ce qu'il montre, entre guillemets, c'est pas choquant, c'est pas, enfin, c'est pas choquant, c'est pas choquant, c'est pas spécialement bizarre, c'est juste un espèce, enfin, à nouveau, c'est juste un espèce de film underground allemand gore, c'est, enfin, gore, même pas tant que ça, parce que c'est un espèce de noir et blanc, même pas si bien fait que ça. En fait, surtout que ils te disent ce qu'il y a dans le film. On va pas forcément révéler ce qu'il y a dans le film, parce que autant je trouve que ça c'est plutôt bien vu pour le coup. Mais alors, la jaquette française te gâche complètement la fin. La jaquette française, c'est incroyable. Mais en fait, le fait qu'ils te disent ce qu'il y a dans le film, pour moi, ça me suffisait largement. J'ai pas besoin qu'ils me le montrent, en fait. Et le fait de le montrer, tu te dis, ah, bah, en fait, ça va. C'est juste ça. Tu dis, bon, enfin, je trouve ça dommage, en fait. C'est ça, pour moi, cet abandon de l'inconnu, le fait de matérialiser ce qui est censé représenter le mal, mais le matérialiser avec quelque chose que moi, je peux comprendre et concevoir. Je me dis, ouais, bon, ça va, en fait. Bah après, moi j'aime bien aussi le fait que les gens, la folie, et du coup la mort des personnes qui voient le film, ce soit quelque chose qui soit propre à eux. C'est-à-dire que dans Madredeus, quand il cherche le film, il voit le cadavre de. Enfin, il voit sa femme morte. Pareil pour le père, justement, Pour de sa femme. le père de la femme, le Voilà. beau-père d'Armand. C'est ça qui, lui aussi, voit sa fille morte. Et il y a cet aspect que le film, c'est pas tant le film qui va te rendre fou que ce que le film va déclencher, les visions qui, je pense, sont propres à chaque spectateur qui regarde la fin absolue du monde. Oui, ce que je peux comprendre, mais mon problème n'est pas dans le. Je trouve que ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Je trouve ça vraiment pertinent et c'est. L'idée que c'est pas le film qui te rend fou, mais que c'est ce qui va déclencher chez toi qui te rend fou, ça je trouve ça bien. Mais mon problème, c'est vraiment dans la forme, dans le fait qu'il te montre ce film. Oui. Et le fait qu'il te le montre, pour moi, ça enlève tout mysticisme autour de ça. C'est bon, on va divulgâcher finalement, avancer de genre 30 secondes si vous voulez pas. Mais le film te montre la mise à mort d'un ange. Le film te montre un ange, enfin, pas la mise à mort, le fait d'arracher les ailes d'un ange et sa torture. Et juste cette image, cette idée de torture et de souffrance d'un être qui est censé être pur, d'un être qui est censé être l'absolue pureté, est suffisamment forte pour, chez moi, me faire imaginer des images qui, justement, peuvent avoir une résonance. Mais le fait que le film va me montrer ces images va faire que, du coup, va me les matérialiser et fait que je n'ai pas à me les inventer, elles sont devant moi. Et ce que je vois, c'est pas si hardcore que ça, quoi. C'est juste un grand bonhomme qui se fait charcuter. Et je trouve ça dommage. Ça aurait pu être incroyable. Ça aurait pu être vraiment peut-être le dernier grand chef-d'œuvre qu'il ait fait, le dernier grand chef-d'œuvre Lovecraftien. Bah Mais justement, beaucoup de gens disent que c'est le quatrième de la trilogie Apocalypse. il y a de ça. Il y a clairement de ça. C'est clairement un opus officieux de la trilogie de Bah, l'Apocalypse. c'est plus une extension de l'Ordre de la Folie Ouais. que vraiment. Il tient beaucoup plus dans l'Ordre de la Folie que de la trilogie en général. Exactement. Et surtout, là où dans L'Antre de la Folie, il va te montrer le film, tu sais, le film à la fin, Oui. L'Antre de la Folie, je trouve ça pertinent parce que il va pas te montrer le film, il va te montrer la réaction de Sam Neill au film. C'est-à-dire que le film n'est que le miroir de ce que Sam Neill a vécu, et ce qui compte, c'est pas le film, ce qui compte, c'est Sam Neill. Là où dans La fin absolue du monde, ce qui compte, c'est le film. Ce qui compte, c'est le film qui est censé être l'espèce de pinacle d'horreur, et je me dis, mais c'est pas impressionnant, c'est pas Bah, choquant. pour moi, c'est pas ça le pinacle de l'horreur. Je trouve que dans le film, justement, c'est plus la réaction qui joue. Et le film, en tant que tel, c'est plus un MacGuffin à chercher. Et justement, la quête de ce film, ça te provoque Oui, il y a ça de te fait rentrer dans la folie. ça, mais justement, le fait que tu vois, le film se tient vraiment pendant toute la quête, c'est vraiment ce côté fin où, en fait, on te le montre, et où je me dis, ouais, bon, c'est vraiment le seul problème que j'ai. Après, global, le film se tient vraiment bien sur la mise en scène. Dommage juste que Norman Reedus, il est pas en vie, quoi. Norman Reedus, c'est pas possible. Il est à moitié endormi, tu fais, mais putain, mais réveille-toi. Non, mais après, au global, pour moi, La fin absolue du monde, c'est vraiment le dernier bon Carpenter. C'est le dernier. Il a eu quelques sorties de route avant. Celui-là, c'est le dernier tour de piste. Avant. Un film un peu plus compliqué. Alors rapidement, juste avant, les deux Masters of Horror sont disponibles en coffret en France. C'est Voilà. sorti, il n'y a pas de Donc, souci. Sorti en uncut parce que le film, il me semble qu'il a eu quelques petits problèmes de coupure à droite à gauche. Mais... alors ouais, on va en parler vite fait. Donc, la saison 1 a été éditée en DVD en France par Universal et par FIP, Film International Production. Il a été édité, donc toute la saison 1 a été éditée en Blu-ray par Starz et Anchor Bay aux USA et par Splendid Entertainment en Allemagne. En plus, c'est triste, enfin, toujours les Allemands, mais c'est amusant parce que la série aujourd'hui est quasiment tombée dans l'oubli, alors que c'est quand même un alignement de tête assez hallucinant. Enfin, vous voyez le casting de réalisateur, c'est complètement dingue, c'est vraiment complètement hallucinant. Et donc, J'ai quelques vas-y. anecdotes encore une fois, vite fait. Donc juste les scènes au cinéma ont été tournées au cinéma Vogue Theatre à Vancouver. Voilà. Si vous êtes... Si vous venez de Vancouver, Voilà. n'hésitez pas à y aller, vous serez assis potentiellement là où Norman Reedus a été assis. Donc c'est l'épisode le mieux noté de la série. Ce qui est pas étonnant, parce que vraiment la saison 1 t'as du dossier. Enfin, ce que je veux dire, c'est que autant le Coscarelli ça va, mais alors le Argento, Jennifer, c'est vraiment, je le trouve horrible. Et pourtant, j'adore Argento, vraiment. Et par exemple, le John Landis, il est horrible. Je pense que c'est le meilleur avec le. Va tout crève, il me semble que c'est Joe Dante, je C'est sais plus. Dante, ouais, Ouais, Dante, qui est vraiment pas mal. Mais alors, t'en as, ils sont horribles dans la saison 1. C'est bah, le c'est... Toby Hooper. Oh, le Toby Hooper, il est. Enfin, c'est Dance of the Dance, je crois, le Toby Hooper. Ouais, je crois que c'est ça. Il est horrible. Enfin, celui-là et celui de la saison 2, c'est. Waouh, c'est très, très, très, très Bah, dur. c'est simple, la fin absolue du monde, sur IMDb, il était à 7,5 sur 10, et sur Sens Critique, il est à 7,4. Ce qui est très bon, ce qui est Ce très, qui est très très bon, bon. c'est l'audio de Carpenter. En termes de notation sur le site, après il y a toujours ce thing, Après, tout c'est ça. toujours amusant de voir que Carpenter fait partie de ces réals qui, dans les années 2000, ont chuté. Ben, en fait, il faudrait écrire un truc là-dessus. Mais en tout cas, Carpenter, comme Cronenberg, dans les années 2000, le seul moyen pour lui, seul, entre guillemets, hein, mais de continuer à rester pertinent ou de faire tout simplement des films de qualité, ça a été de complètement changer son style. Après, c'est aussi sûrement une démarche personnelle qu'il a effectuée. Mais par exemple, Argento, oh, la fin de carrière d'Argento, la fin de carrière même de Toby Hooper ou même de Craven, je veux dire, My Soul to Take, enfin, oui, Scream 4, mais My Soul to Take. Cursed, qui est un film qui porte très bien son nom, tu vois, c'est vraiment compliqué, quoi. Et lui, pour le coup, Carpenter, très classe. Tiens, il fait 4 trucs post-2000. C'est tout, ouais, 4. Ghost of Mars, ça va. Ça va. Les deux derniers, ça va pas. Mais, très classe. J'aime beaucoup. Donc, le nom du critique qu'on voit dans l'épisode, c'est A.G. Myers, référence évidente, Michael Myers. voilà, Michael Myers, et aussi le journaliste, tu sais, celui qui va voir, là, tu sais, qui a ses piles de trucs, Ouais. voilà. Il vit dans la ville de Carthage, dans l'état de New York, c'est la ville natale de Carpenter. Eh ben. Eh bien, si vous nous écoutez depuis Carthage, Et dans l'état de New sachez que vous York. vivez dans la ville de Carpenter. Et donc on passe à la deuxième On épisode. passe au deuxième épisode. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième saison n'a jamais été diffusée en France. Encore heureux d'ailleurs. Et on va là tout de suite, elle n'est jamais sortie en Blu-ray aux États-Unis, seulement en Allemagne. Toujours. Si tu cherches des Blu-ray, va en Allemagne quand c'est. Pour deuxième saison, vraiment compliqué. Hein. Vraiment, deuxième saison, il n'y a aucun épisode que. Enfin, en tout cas, que moi je trouve bon. Ça, c'est toujours des épisodes que je trouve à nouveau. J'avoue que c'est l'épisode que j'ai vu, c'est Carpenter, donc. Bah, ces épisodes qui sont dégueulasses, mais qui n'ont pas grand intérêt et qui sont surtout extrêmement moches. Ça, c'est un truc. J'ai pas revu tous les épisodes. J'avais pas envie, pas le temps. Mais c'est vraiment C'est ça, des. ça aurait pris 26 heures à tout voir, quoi. Ouais, mais surtout, c'est des épisodes que je trouve. C'est pas beau, quoi. C'est vraiment, vraiment pas beau, quoi. Le Argento. Ouais, t'as quelques murs rouges, mais c'est moche. Et alors, et le Toby Hooper, oh, horrible, horrible. Enfin, Toby Hooper, c'est dur, très très dur. Mais donc, est-ce que tu voulais parler un peu de la saison 2 avant qu'on Bah, attaque? la saison 2, j'ai pas grand-chose à dire dessus, à part vraiment que le fait que, à nouveau, on se disait, à l'époque, ce qui se disait, c'était vraiment, ça allait être quelque chose de grand, ça allait être à nouveau le retour des maîtres de l'horreur, tout ça. Mais c'est, et là, pour le coup, dès l'épisode 1, tu te dis, ouais, non, c'est pas possible, en fait, enfin. La saison 2, t'as rien à sauver. T'as rien à sauver, vraiment, c'est toujours tout tape à côté. Le Argento, la Peltz, qui s'appelle J'aurai leur peau, je crois, un truc comme ça. Enfin, Oui. ça parle quand même de peau de raton laveur maudite, quoi. Enfin, mais c'est con, c'est con, c'est con, en crever, enfin, en pleurer. Enfin, vraiment, la saison 2, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il n'y en a même aucun. Et c'est assez triste de voir ça. Alors, le Carpenter dans la saison 2, putain, il est dur, il est vraiment dur. Ben Donc, justement, pro-life! parlons de Carpenter. Donc, il a été diffusé le 24 novembre 2006 sur Showtime, donc c'est l'épisode 5 de la saison 2. Résumé. Déterminé à sauver sa fille enceinte d'une clinique d'avortement, un fanatique religieux et ses fils planifient une agression violente donc envers la clinique d'avortement, tout comme les médecins soupçonnent que la grossesse de la fille n'est peut-être pas de ce monde. Je sauve Ron Perlman et les effets spéciaux, et c'est tout. Voilà, déjà on a. Alors oui, alors l'équipe technique ça va être très simple, on prend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire que c'est les trois mêmes scénaristes, le même chef-op et le même compositeur, et le même réal. Voilà, Ouais, ça c'est fait. mais c'est. En fait, ce qui me rend triste, c'est surtout le fond du film, je suis pas sûr de ce qu'il veut me dire. Parce que c'est un truc anti... c'est un truc pro-avortement. Bah, c'est un truc anti-pro-life, Anti-pro-life. justement, voilà. Voilà. Mais c'est tellement grossier, tellement bête, que je me dis, mais je comprendrais que quelqu'un qui regarde ce film se dise, mais en fait, c'est Ron Perlman qui avait raison. C'est ça. Et quand je dis que le film est Ah non, dégueu. quand t'as le plan justement de Ron Perlman face à l'espèce de démon, qui d'ailleurs est joué par Derek Mears, qui joue Jason dans Remake de Vendredi 13. Voilà. Donc qui est face à l'espèce de démon et que le démon dit exactement la phrase que Perlman pensait être dite par Dieu dans sa tête. Ouais, Là, mais tu comprends direct. ça reste tellement grossier pour moi que enfin, tu sais, c'est à la deux doigts de la parodie quand même. Hein. Et quand je dis que le court-métrage est dégueulasse, c'est-à-dire que déjà, quand quelqu'un se prend une balle, ça pisse le sang. Oh, voilà. Le coup, le Et. crâne explose. Ah oui, non, Le crâne du gardien, il explose là ça, au et quand t'as début. le fils de Ron Perlman qui se prend une balle dans le cou, ça gicle la balle. Et t'as ce truc que je ne comprends pas qui est complètement gratuit sur le Sur. chef de la clinique. Oui! Tu sais, tu te dis. Enfin, tu pourrais dire, ah, c'est trop drôle ou quoi, mais moi, je trouve ça juste complètement gratos. Et je sais, je suis en mode, ouais, ok. Enfin, c'est. Vraiment, le pro-life, bah, je dis, c'est pour moi ce que Carpenter a fait de pire. Parce que The Ward, c'est pas bien, mais tu peux encore te dire, et pourquoi pas. Là, je me dis juste, c'est nul. Enfin, c'est ça. Et à nouveau, je me répète, c'est moche. Mais alors, que c'est moche, quoi. La pâte télé, elle fait mal, là. C'est. Wow. Non, et les acteurs sont pas bons aussi. Les acteurs sont pas bons. Donc C'est. voilà, niveau casting, on a Caitlin Wax qui a joué dans pas grand-chose, Mark Feuerstein qui a joué dans pas grand-chose, on a Emmanuelle Vaugier qui, elle, a joué dans Saw 2. Ouh! On a donc, comme tu l'as dit, Ron Perlman. Qui lui, pour le coup, est un putain d'acteur. Déjà, il a fait Hellboy, donc je le respecte. Voilà, Après, ouais. il a Surtout si c'est aussi. l'acteur fétiche de Del Toro. Il a, ouais, il a aussi eu. Après, il a aussi eu d'être à payer. Hein, genre, il est dans le Roi Scorpion 3, genre de truc. Hein. Je vous invite à voir l'affiche du Roi Scorpion 3, on dirait qu'il s'excuse d'être là. Vraiment qu'il fait, je suis désolé, les gars. Non, mais il joue le fanatique religieux, il le joue bien d'ailleurs. Hein, Il le joue bien, mais du coup, ouais, c'est un film qui est profondément anti-mouvement pro-life. Alors, juste pour expliquer visuel, le mouvement pro-life, c'est un mouvement du sud des États-Unis surtout. d'extrémistes religieux chrétiens, surtout aux États-Unis. Ouais, c'est pas que aux États-Unis, parce qu'il y a aussi le mouvement les survivants, je crois qu'ils s'appellent en France. Ouais. Mais du coup, c'est des gens qui considèrent que L'avortement est un c'est meurtre. ça, que l'avortement est un meurtre et que. Je pense qu'on peut se mettre d'accord. Ici, on n'est pas comme ça. Hein. Voilà, on est. Ici, ça défend. Mais comment dire ce qui est dommage, c'est qu'avec un sujet pareil, je pense que. Tiens, c'est un peu comme Ghost of Mars. Je pense qu'avec un sujet pareil, Carpenter aurait pu faire un truc tellement mieux, tellement plus malin. Alors que là, ça, je sais pas, je range. Enfin, moi, du début à la fin, je me disais juste, mais c'est pas bien. Il Mais y a un c'est. truc que je trouve intéressant dans le film, c'est que justement qu'on apprend en fait que le diable, en fait, donc la fille donc, qui doit se faire avorter, elle a 15 ans. Alors, 15 ans, mais on est dans cette époque où les acteurs en avaient 25. Hein, donc, quand elle dit qu'elle a 15 ans, j'ai explosé de rire parce que tu dis, mais te fous pas de ma gueule. Fou, le médecin, il fait. Au début, il dit, t'as quel âge? Et elle dit 18. Elle dit, je viens d'avoir 18. Ouais, et du coup, le médecin, il fait, t'es sûr? Je suis en mode, non, non, mais t'as pas 18. Genre, t'as 23, tu vois. Elle me fait, non, j'ai pas 18. Et du coup, le médecin, il fait, t'as 18 dans combien de temps? Je suis en mode, non, mais attends, elle a pas moi. Elle fait, ouais, j'ai 15 ans. Je suis en mode, mais putain, c'est. Non, enfin. Ça, c'est une scène. Enfin, toi aussi, quand même, ça t'a fait tiquer. Genre, tu te dis, mais Oui. c'est pas possible. Mais du coup, Il y a une VF ou pas, je pense, sur ah Prolife. si, c'est en VF. Ok, il existe une VF. Ouais, moi je l'ai mis en VF. C'est Ok. le DVD français à une VF. Enfin, Ah, ça a été doublé pour le DVD, vu qu'il n'y a pas eu de diffusion télé. à savoir aussi que le DVD, ils en avaient tellement rien à foutre, ils l'ont en double programme avec l'Argento. C'est ça. C'est-à-dire que la saison 1, alors je sais pas ce que c'est sur l'édition de base, mais moi j'ai la grosse édition limitée Bah, qui est bien, hein, c'est. où t'as vraiment un DVD par truc. Après, je sais qu'ils sont sortis, par exemple, je sais que le Argento est sorti juste en solo, celui de la saison 2, le J'aurai leur peau. Le pet? Le Pelt, ouais, il est sorti, parce que je me rappelle que Ulysse m'avait donné. Ouh, quel cadeau! Non, mais c'est moi qui lui avais dit, tu débarrasses de ces trucs-là, je fais, ah bah tiens, je vais bien sûr. Et bref. Il y a un truc intéressant, je trouve, que dans le fait que ce soit le diable qui dicte en fait à Ron Perlman quoi faire, c'est que il y a cette idée que les extrémistes peuvent interpréter comme la volonté de Dieu. Bah, on sait tous que dans le christianisme, le diable est forcément plus séduisant que Dieu, parce que le diable c'est la facilité. Et donc le diable c'est celui qui va te flatter tes bas instincts, qui va te conforter dans le fait que t'as raison. J'ai trouvé ce truc-là assez intéressant dans l'épisode. Ouais, mais c'est vraiment un détail parce que après, le film s'enfonce dans une telle espèce de gratuité. Bah, genre, le diable va dire à Ron Perlman, sauve l'enfant. Oui. Ok? Sauf que ce qu'il lui a pas dit, c'est va charcuter le médecin en chef en lui buvant les couilles. Enfin, je sais pas, il va lui boire le sang. Enfin, C'est non, ça, en gros, il il lui fout une entaille à l'entrejambe, on sait pas où, hein, c'est hors champ. Plus qu'une entaille, hein. Visiblement, il charcute bien quand même. Hein, c'est. Voilà, et après il va foutre Un aspirateur à un sang aspirateur à fœtus. pour lui. Non, mais c'est vraiment répugnant. Et là où le film pourrait avoir une espèce de classe et se tenir à peu près en se basant juste sur le message jusqu'à la fin, vraiment, en fait, pour moi, le film est complètement gratuit. Et je me perds complètement avec à la fin la fille qui fait ouais, la volonté de Dieu est faite. Je me dis ouais, bon, ça va pas très loin. Et c'est le diable qui repart. Le diable, il a vraiment un côté je viens, mon enfant est mort. Eh ben, bisous. Quoi? Quoi? Non, en fait, je trouve le film vraiment dommage. Je suis sûr et certain qu'avec un pitch pareil, ça aurait pu donner quelque chose d'assez dingue. Et là, c'est juste un espèce d'accumulation de violence. Ah non, c'est très violent. Hein. C'est peut-être le truc que Carpenter a fait qui est le plus gore. Voire même, je suis à peu près sûr que c'est le plus gore. Non, Ah, The il y a Thing. The Thing, mais The Thing, c'est pas pareil. Oui. Ah, Bah, là, ça reste gore, mais c'est pas que gore. Mais après, ça reste gore, ça voilà, mais oui. là c'est vraiment juste du gore, ça charcle avec ça. Enfin, genre, c'est surtout de mauvaise sale ambiance. En fait, surtout sur quoi que The Thing. Ouais. La comparaison n'est pas valable, mais avec The Thing, ça se bagarre pour être le plus gore. Et ça en fait, je vais pas dire que ça en fait rien, mais ça en fait quelque chose qui est pas super intéressant au final. Ou moi je le regarde, je lève un sourcil, je fais oui, bon, ça aurait pu durer 30 minutes, quoi. Ça aurait pu durer 30 minutes, ça aurait pu être tout aussi efficace. À nouveau, le format d'une heure aide vraiment bien, je pense. Mais je peux pas empêcher de me dire quand même quelque chose, c'est que ça reste quand même parmi les meilleurs de la saison 2. Enfin, parmi les moins pires. Mais ça montre encore que Carpenter, même en petite forme, ça reste quand même du solide, quoi. Ça reste un bonhomme, quoi. Voilà. Mais après, je pense que toi qui as bientôt vu tous les Carpenter, il t'en manque encore quelques-uns. Deux. Bah, c'est quand même le bas du panier de ce qu'il a pu faire. C'est le bas du panier. On se l'accorde avec The Ward, avec. Est-ce que je mets Escape from LA dedans, Bah, peut-être? Escape from LA, j'aurais du mal à le mettre dans le bas du panier parce qu'il est tellement chargé politiquement et c'est tellement une espèce de bras d'honneur de Carpenter que je peux pas le mettre dedans. Parce que je me dis, oui, il y a des défauts, mais encore sur l'ambiance, ça se tient super bien. Là où Pro-Life, t'as pas d'ambiance. Enfin, Pro-Life, moi en tout cas, je la vois pas. Oui. Ça se tient super Ouais. bien. Ah, disons avec The Ward et le village des damnés, c'est le bas du Ouais, pour panier. moi, c'est la trinité pas bonne, tu vois. Et pourtant, je suis pas fan de tous les Carpenter, genre Dark Star, je suis pas le plus gros fan. Par ça, faudrait que je le revoie, je l'ai vu une fois pendant le confinement. Starman, je trouve ça Bah, j'ai pas encore vu justement je Starman. trouve ça sympa, mais pas c'est pas encore incroyable. Même The Fog, tu vois, The Fog, il y a des trucs que je trouve super J'aime dans The beaucoup The Fog, Fog. vraiment, et autant il y a des trucs que je trouve un peu ratés. Mais ça reste quand même vraiment bien, et je suis vraiment pas le plus gros fan de tous, hein. Vampire, j'aime énormément Vampire, mais t'as quand même des scènes, c'est pas possible, quoi. Genre, enfin, tu l'as vu, Vampire, la scène où la fille qui se fait casser la gueule en boucle, putain, c'est terminé, quoi. Et là, Pro-Life, je me dis, mais. C'est surtout, je comprends pas pourquoi, parce que c'est la même équipe que le premier épisode. Et le premier épisode, je suis mitigé, mais t'as vraiment quelque chose. Là, Pro-Life, tu te dis, oui, bon, 30 minutes, ça aurait été bien, les gars. Hein, J'aimerais bien voir l'intention des scénaristes parce que sur le premier épisode, ils se sont dit être inspirés de l'homme de la folie, Lovecraft et Stephen King. vous êtes inspiré de quoi? Bah, des manifestations, en fait. Non, là, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, concluez sur Cigarette Burns, vous aurez. Enfin, Carpenter, vous pouvez à peu près tout voir entre Dark Star et Cigarette Burns. Globalement, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Ça va du très très très bon film au chef-d'œuvre absolu et intemporel. Voilà, vous êtes sûr d'avoir une grosse On marge. passe par quelques petits ventre mous, mais voilà. Même pour moi, même un mauvais Carpenter, enfin mauvais, à l'échelle de Carpenter, ça reste quand même vraiment quelque chose de solide. Oui. C'est ça qui est À l'échelle de impressionnant. Carpenter, dans son Mais tu dans son vois, c'est pinacle, ouais. tu connais mon amour absolu pour Argento. Argento, je suis désolé. Il a vraiment fait des trucs, c'est indéfendable. Genre Giallo, Card Player, enfin bref, on n'est pas là pour ça, mais. Un mauvais Argento, c'est un mauvais film tout court. Là où un mauvais Carpenter, tu te dis encore, il y a encore quelques trucs que je sauve, tu vois. C'est genre, même la Pro-Life, Les effets spéciaux. Tu vois, il fait l'effort de prendre des effets spéciaux prosthétiques, alors qu'il aurait pu aller dans la 3D, moche. Et donc, on s'approche de la conclusion, toi, si tu devais. Tiens, petit jeu rapide, si tu devais donner un Carpenter pour démarrer, le meilleur Carpenter, genre, pas ton préféré, mais le meilleur, et ton préféré. Genre, pour démarrer, ton préféré, le meilleur. Ça serait quoi? Alors, alors, mon préféré, et celui pour démarrer, ça va être le même, Halloween. Voilà, parce que ça joue beaucoup avec l'époque où j'ai découvert, avec ces trucs-là, mais C'est un putain de film, voilà, Halloween. Halloween est un putain de film. C'est implacable sur la mise en scène. J'ai vu des critiques actuelles qui disaient qu'il y avait un avis, un ressenti que le rythme était un peu lent, ce qui peut se comprendre, Le rythme est lent. Même en le revoyant, moi je trouve, même moi qui vénère le film, je trouve que le rythme est lent. Surtout un director's cut qui rajoute une vingtaine de minutes au film. Ouais, mais c'est une version, pas une version télé, la Si, Director's Cut. c'est une Ouais, version télé, ouais. donc c'est compliqué, mais c'est. Ouais, ça reste enfin, un film absolument majeur, mais dans l'histoire du cinéma d'horreur. Enfin, je veux dire, c'est compliqué d'en parler parce que qu'est-ce qui n'a pas été dit Ben, dessus, c'est quoi. ça. C'est complètement dingue. Et je trouve que c'est avec une mise en scène globalement inattaquable, mais quand même très accessible. Oui, donc, C'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur pour débuter chez Carpenter, en tout cas. C'est pas dans l'esbroufe, en fait. C'est une mise en scène qui est extrêmement efficace, qui est extrêmement précise. Et puis la musique de Halloween, enfin bref. Voilà. On n'est pas là pour parler Si d'Halloween, vous mais connaissez pas c'est Carpenter incroyable. et que vous attaquez la filmologie avec Asso, c'est pas le plus évident, disons. Même si ça reste un plein de films. C'est un putain de film, mais c'est pas le plus évident pour attaquer le bonhomme, Ouais, quoi. c'est vrai. Pareil pour The Thing, même si ça peut être une excellente porte Ah, moi, d'entrée. il sera dans un de mes trois, hein, je vais te dire ça après. Et le meilleur. Et j'hésite à dire Halloween, mais Comme tu veux, hein, c'est ton avis. pas trop. Je pense que non. Le meilleur dans ce qu'il réussit à accomplir, je dirais Land de la folie. Mais Ça se tient. Moi, je dirais que pour démarrer Carpenter, je dirais Halloween, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est vraiment, t'as tous les thèmes qui sont déjà là, cette espèce de mal absolu, inarrêtable, que tu ne peux pas concevoir en tant que toi humain, cette mise en scène au cordeau, cette notion de réalisateur à l'économie, mais qui va te déployer un univers, des univers et des ambiances complètement dingues avec très peu. Mon préféré, c'est Land de la folie, qui est vraiment cette espèce d'apogée de sa trilogie que je trouve complètement fou. Et pour moi, son meilleur, c'est The Thing. Parce que The Thing, vraiment, J'ai hésité. je trouve ça tellement dingue, ce truc de on va te montrer de l'horreur Lovecraftienne, mais tu vas la voir plein cadre, pleine face, mais tu ne peux pas la décrire. C'est quelque chose que je trouve complètement dingue. Et pour moi, il n'y a aucun autre film qui a réussi à faire ça, ce truc de te montrer quelque chose que tu ne peux pas décrire. T'as même La couleur tombée du ciel, qui pour moi aussi est un excellent film Lovecraftien, mais est encore descriptible. C'est vraiment quelque chose que je trouve très fort. Et puis, enfin, Carpenter, c'est un putain de réal en général. Vraiment, voyez Zaylieve, T'as vu qu'il a voyez. des casseroles, le réal de La couleur tombée du ciel? Il battait sa femme, je crois. Mais pas que ça, mais c'est très compliqué, mais ça reste un film que j'aime bien. Mais c'est un réel Mais compliqué. ça, il ne savait pas à l'époque où le film a été produit, et quand ça s'est su, la boîte a tout de suite Ouais, arrêté les interrogations. ils devaient avoir d'autres contrats avec XYZ, je crois, Je crois, la ouais. boîte de Elijah Wood, et finalement il a tout coupé. Ouais. Mais bref, enfin, voyez des films de Carpenter, voyez Christine, même Fog, même Invasion Los Angeles, enfin, ces téléfilms, tu vois, Meurtre au 43e étage, Elvis, Body Bags, enfin, bref. Surtout Body Bags. Surtout Body Bags, oui. Enfin, c'est un réalisateur exceptionnel, ô combien important pour le genre fantastique. Enfin, je pense que combien de réalisateurs actuels, tu leur demandes leurs influences, ils font Carpenter. C'est Même un réalisateur. pas que actuel, hein, c'est-à-dire que Cameron, par exemple, Cameron, quand il se lance dans le cinéma, il a pour objectif d'être le prochain Carpenter. C'est hallucinant. Il a déclaré en parlant de l'époque Piranha 2 Terminator, quand il s'est lancé là-dedans, il avait pour objectif d'être le prochain Prochain Carpenter. Carpenter, ouais. Ouais, c'est un réal qui est complètement dingue. Alors aujourd'hui, il n'est plus dans le cinéma. Des rumeurs sont extrêmement insistantes, Voilà, comme quoi on il ouvre. serait impliqué, voire réalisateur, sur l'adaptation à venir de Dead Space. Maintenant, l'adaptation de Dead Space en film, c'est une chimère qui existe quasiment depuis la sortie du jeu. Faut espérer. On ne peut que croiser les doigts pour ça. Et voilà, à l'heure où on enregistre, c'était la veille que Carpenter. C'est Carpenter lui-même qui a lancé la rumeur d'une production d'adaptation de Dead C'est Space. De Dead Space, c'est lui qui a lancé la rumeur de son implication. Maintenant, à voir, est-ce que ça se fera, en fait? Parce qu'il a aussi dit qu'il est très bien en tant que juste compositeur, où globalement, il prend ses chèques et il s'en va. Donc, à voir ce qu'il restera. Maintenant, c'est un réalisateur qui nous manque, et on espère le revoir un jour, d'autant plus que, enfin, il a fait trop de chefs-d'œuvre pour s'arrêter là. Bah voilà. Mais, si jamais il n'en fait plus, on retiendra qu'il a quand même fini sur une note à peu près positive et que au global, sa carrière nous a offert parmi peut-être les plus grands films du cinéma fantastique. Enfin, déjà, pour moi, il a fait The Thing, donc il mérite un respect éternel et immense pour tout ce qu'il a fait. Donc voilà, on a conclu sur Carpenter. Est-ce qu'on peut juste conclure sur le fait que un de ces films a été remaké avec Samina Seri? Quoi? Need Gap? Need Gap. Remake de Assaut? Oh Avec putain. Samina Seri. C'est dur, c'est dur. Non, mais enfin, après, Non mais. on peut dire qu'au final, est-ce qu'il faut remaker Carpenter? À la fois oui, à la fois non. Aucun des remakes n'atteint le niveau de l'original. Oui, même si je trouve que le remake d'Halloween Oui, apporte Halloween, vraiment quelque chose. c'est un autre sujet, mais c'est une espèce de réinterprétation. Mais par exemple, le remake de Fog, il est ignoble. Assaut sur le Central 13, c'est vraiment pas bien. Enfin, c'est le The Thing, le préquel slash remake de The Thing. Bon, lui, il a un parcours cabossé, c'est compliqué, mais c'est. Là, c'est un réalisateur qui est immense et qui, ouais, je pense que. Après, dans le sens où les Carpenters sont déjà des remakes, enfin une partie en tout cas, Bah, le The Thing, qui The est. Thing, Assault aussi, qui si j'ai bien compris, se veut comme plus ou moins un remake de Rio Bravo, de Wild Oui, Hawks. c'est pas vraiment un remake, mais c'est très inspiré. Mais tous ces films sont inspirés de beaucoup de réalisateurs, enfin surtout de Western et Howard Hawks, on en parlait juste avant, mais c'est son modèle. Et il y a plein de codes que tu retrouves. Donc, est-ce que c'est des remakes? Pas vraiment, mais c'est des réinterprétations souvent. Mais je trouve pas que Carpenter soit irrémécable. C'est-à-dire que bah, typiquement Halloween, Oui, mais il s'est pas cassé les dents en faisant les coins dessus. Voilà, il est. voilà, c'est Halloween pour moi, c'est encore autre chose parce que il va avoir un même squelette et faire autre chose. Donc, est-ce que c'est un bon ou un mauvais remake? Je sais pas. Là, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais je comprendrais qu'on puisse totalement le détester pour des raisons valables parce qu'il va prendre totalement un chemin différent. C'est beaucoup de questions autour des remakes. Halloween étant l'exception, parce que enfin, tous ces autres remakes. Ouais, Fog, le remake de Fog, oh, il est ignoble. Le remake, je pense que c'est le pire. Je pense que c'est. Et voir un des pires remakes des années 2000 avec le bal de l'horreur, quand même. Le bal de l'horreur, il est vraiment Tu le dur. places pire que le vendredi 13 ou Freddy. Le vendredi 13 en Killer Cut, il est cool. En Killer Cut, enfin, c'est la version extended. Il faudrait que je le voie en Killer Cut. Il est assez gore, il est bien. Et oh, ouais, non, ouais, le Freddy, oh putain, le Freddy aussi. Oh, le Freddy, il est horrible. Non, mais c'est la trinité de la merde, quoi. Fog, Bal de l'horreur et Freddy, ça dégage. Mais non, c'est intéressant, c'est intéressant. Maintenant, faut juste espérer qu'il reviendra un jour. Et sinon, s'il continue de faire des compositions, moi, ça me va bien. Parce que ses compositions sont toujours extrêmement agréables à Oui. l'oreille. Et je ne verrai pas Neil Gaiman. Parce que je savais même pas qu'il avait été remaké. Vas-y, t'as Banlieue 13 aussi, un peu. J'ai pas vu Banlieue 13. Bah, il y a eu longtemps des questions de remake autour de Escape from New York. Bah après, oui, il y a le procès, y a eu le procès avec Besson Le pour Lockout. dernier plan veut que ce soit Dwayne Johnson dans le remake de New York, de Escape from New York. Non, pas de New York, de Jack Burton. Dwayne Johnson dans le rôle de Jack Burton. C'est quel enfer, quel cauchemar. Surtout que, bah, connaissant The Rock, ça va pas du tout appliquer la même logique que le 1, à savoir que le perso principal s'efface. C'est un loser, ouais. Voilà, parce que The Rock, au-delà d'aimer l'argent, il s'aime. Mais plus je Et. le vois, plus il me fait peur. Parce que vraiment, tu sais, il sourit beaucoup trop. T'as l'impression que c'est pas un être humain. T'as l'impression qu'il y a un truc qui va sortir, genre. Est-ce que t'as vu l'extrait du live Twitch de Karim Debbache où il parle de The Rock? Je regarde pas les. Bah, Je regarde pas YouTube. ouais, mais regarde juste ça parce que c'est intéressant. Ouais. Parce qu'au début, Debbache, c'est un mec qui défendait beaucoup The Rock. Pain Quand il parlait de Doom, par exemple, ou des trucs comme ça. Gain. J'aime beaucoup Pain and Oui. Gain avec The Rock. Et que j'ai pas encore vu, mais je sais que Debbache l'aime beaucoup aussi, donc dans cette logique-là. Et il trouve que The Rock, c'est devenu un peu une caricature de lui-même, dans ce côté. Souriant, C'est gentil. ça. T'as vu? Les mecs musclés, en fait, ils peuvent être gentils. Ouais, c'est ça, parce que, t'sais, genre, moi, en fait, The Rock, j'ai l'impression qu'il me sourit beaucoup trop et qu'à tout moment, il va se retourner vers la caméra et faire, je suis gentil, mais en plus, je peux être un peu drôle et je peux te vendre quelque chose. Vraiment, moi, ça me fait à moitié peur parce que je me dis, mais qui es-tu? Que veux-tu? Quel est ton plan? Il y a aussi un truc assez intéressant. Je t'en prie de mettre la vidéo d'écran large sur The Rock, Ok. qui parle un peu de comment The Rock en tant que tel est devenu une marque, en fait. Bah, surtout, quelque chose qui est dommage avec The Rock, c'est que là où John Cena On est vraiment en train de dériver là-dessus. On va conclure l'épisode rapidement. Mais je trouve que là où John Cena prend à peu près des risques, tu vois, Avec genre, Peacemaker. je pense surtout à Peacemaker, maintenant il est encore au début, entre guillemets, de sa carrière, ou Dave Bautista, tu sais, qui a arrêté le MCU parce qu'il trouvait que c'était trop facile, trop bête, c'est pas le point qu'il dit, hein, pour aller vers. Bah, il a fait Knock at the Cabin, il a fait Glass Onion, on en pense ce qu'on veut des films, Glass Onion, j'ai pas aimé par exemple, mais je trouve que c'est une volonté d'aller vers un truc qui est un peu plus auteur. Et Knock at the Cabin, c'est un truc d'auteur. Shyamalan, je l'aime. Tu vois, donc c'est ça que je trouve dommage chez The Rock, c'est qu'il est dans la facilité. Il est vraiment dans. Enfin, Jungle Cruise, j'aime une scène dans Jungle Cruise qui est la scène du flashback, et plus j'y repense, plus j'ai tendance à l'aimer à cause de la musique. J'ai pas vu Jungle Cruise. Bah, c'est simple, t'as Metallica en musique. Ça, La qu'est-ce qui. notice. Ouais, Red... Ça, c'était horrible, Red Notice. Je sais pas toujours, toujours pas vu. Rampage, Rampage, c'est nul. Skyscraper, c'est pas bien. En fait, je t'avoue que en l'ayant vu en salle, c'est complètement con. Ouais, mais c'est pas bien que c'est. Mais... San Andreas aussi, c'est pas bien. Ce que je trouve dommage en fait chez The Baywatch. Rock. Mais enfin, ouais, c'est pas. En fait, ce que je trouve dommage chez The J'aime Rock, beaucoup c'est que. Baywatch pour le coup. Ouais, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il pourrait aller vers des trucs un peu plus risqués. Tu vois, c'est-à-dire que. Enfin, The Rock, il est quoi? Il doit être multimillionnaire s'il n'est pas déjà milliardaire. Ah, je crois qu'il est milliardaire, Et je me dis, je pense, je suis sûr et certain que vu la renommée qu'il a, et pourtant je défendais The Rock il n'y a pas longtemps, hein, mais plus j'y repense et plus je me dis, mais oui. bah, c'est Et. un mec qui, dans son début de carrière, a joué pour Richard Kelly. Avec ça. Dans un super film, j'aime beaucoup South Park, pourtant c'est un film à problème aussi, mais je pense que The Rock, vu la renommée qu'il a, je suis sûr et certain que, tu sais, il pourrait aller trouver des nouveaux McTiernan ou même Lee Whannell, tu vois, qui avait fait Upgrade, je sais pas si tu l'as vu Ah Upgrade. oui, Tu vois, ouais. Upgrade, pour moi, c'est une tuerie, et si The Rock va le voir et fait, tu fais ce que tu veux, je suis dans ton film, je te back, enfin, il pourrait lui donner une carrière de malade. Tu Parlons plus de Lee Whannell, vraiment, parlons plus de Lee vois, Whannell. même Gareth Evans, tu vois, qui a fait The Raid et tout ça. Ouais. C'est un gars qui aujourd'hui, là, il a Havoc pour Netflix, dont on n'a pas de nouvelles. J'espère qu'ils vont sortir Havoc quand même. Mais je suis sûr que s'il fait un truc avec The Rock, et The Rock il fait, écoute, tu me fais faire ce que tu veux, je suis là pour toi. Au pire, le film se gaufre. Il perd quoi? Il perd 10 millions, il s'en fout, il les regagne en 2 minutes. Et si le film réussit, vraiment, je suis sûr qu'il a une carte à jouer. Même, peut-être même si c'est pas le cinéma d'action qui l'intéresse, enfin, même si c'est ce qui semble l'intéresser, je suis sûr qu'il pourrait faire quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il s'enfonce dans une espèce de facilité où juste il est payé 500 millions par film et tu te dis, mais. Pourquoi? C'est. Enfin, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage. Je pense que la carrière de John Cena et de Dave Bautista sont beaucoup plus intéressantes à suivre. C'est donc comme ça que se conclut l'épisode Carpenter. Voilà, on dérive sur The Rock, mais voilà, The Rock, si un jour tu tombes sur l'épisode, s'il te plaît, fais des trucs un peu plus ballsy, tu vois. Genre, là, je sais qu'il va faire un film de Noël pour Netflix. Putain, c'est. Enfin, ça m'énerve, moi ça m'énerve. Il pourrait. Enfin, honnêtement, je pense que The Rock, dans le milieu des acteurs actuels, c'est un de ceux, il fait ce qu'il veut. Genre, demain, s'il veut. Il fait des films de propagande turque, personne lui en voudra, personne lui en voudra, il perdra pas d'argent. Donc voilà, The Rock, s'il te plaît, fais autre chose et Carpenter, reviens. Ça se trouve, The Rock va revenir avec Ben, c'est Carpenter. ça ce que j'allais dire, faire un film tous les deux. Ouais, non, ça se trouve, The Rock va. Oh, putain, mais imagine, The Rock, genre, prends le pas sur Carpenter, le truc, t'as un truc les plus lisses du monde. Ce serait. Je sortirais du film en pleurant. Enfin bref, on termine le podcast là-dessus. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir, liker, commenter, tout ce que vous voulez. À l'heure où on parle, le prochain épisode, on a déjà le sujet. On va Oui. pas donner d'indice pour l'instant, mais ce sera un épisode sur oh, pas un concept, pas un réalisateur, encore autre chose. C'est un truc qu'on n'a jamais fait depuis, donc voilà, c'est pas un pays, Voilà. c'est pas un... C'est pas un pays, c'est pas un réal, c'est pas un concept, c'est autre chose. Même si ça va être tout aussi sympathique. Et alors l'épisode d'après, ce sera celui que vous, pour lequel vous aurez voté. À l'heure actuelle, Argento est en train de perdre face au méta et ça me brise le cœur. Mais bon, de toute façon, Et Craven est en train de gagner face à l'Italie. ce qui me brise deux fois plus le cœur, putain, vous pourriez avoir, je sais pas, à nouveau, ton vice, c'est une chambre close dont moi seul ai la clé. Ce titre est fantastique, vous pourriez avoir ça et vous demander les People Under the Stairs. Est-ce qu'on ferait pas un épisode film à titre à rallonge, un Bah peu? écoute, tu sais quoi, je suis à 2 doigts de te prendre minuit dans le jardin du bien et du mal, mais c'est pas vraiment fantastique. Mais Mais de... ouais, mais Ok. le temps, Oui. ce titre est fantastique. Mais ouais, après, on tapera sûrement dans les Italiens parce que bon, Oui. l'oiseau au plumage de cristal, mais qui sont forts pour ces titres. Enfin bref. Merci à vous, on se L'étrange retrouve. couleur des larmes de ton corps. Ah, oh, quel beau titre, là, nous. Bref, j'adore. Merci à vous, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode avec encore un nouveau concept. Donc, on innove et on est fiers de nous. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ce que vous voulez. Merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. 2h20, c'est avec à nouveau une digression sur The Rock à la fin. Bref, merci à vous et à dans 2 semaines. Putain, on n'a pas parlé d'arabesque. On n'a pas parlé d'arabesque, c'est le premier épisode et finalement j'en suis presque fier. Et on n'a aussi pas parlé de Ghoulies et c'est pas plus mal. Enfin bref, merci à vous et à dans 2 semaines. Dans 2 semaines.